Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Bonne année Roman, comment ça va? Mais bonne année Corentin, ça va bien et toi? Ça va très très très très bien, premier épisode depuis le nouvel an. Alors, on pourrait s'attendre à ce qu'on fasse tout de suite le bilan de 2025, un format, que sais-je. Ça va se faire, pas tout de suite. Plus tard. Mais ça va se faire. Et pourquoi plus tard? Parce que beaucoup de choses arrivent au cours des prochaines semaines directement sur le podcast. Je vous invite donc évidemment à surveiller. Tout sera dévoilé très vite sur nos réseaux. Mais pour l'instant, l'heure va être au plaisir, l'heure va être à la discussion, l'heure va être aux attentes. Roman, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, ce sera un épisode scindé en deux parties. La première partie sera sur un petit preview des sorties françaises ou pas encore annoncées en France, des films horreur, fantastique et science-fiction qu'on aura en 2026. Exactement, on va donc pouvoir discuter de nos attentes, de nos envies. Alors évidemment, le but n'est pas de recenser l'intégralité des sorties 2026, tout simplement parce que déjà, ce n'est pas possible. Ni de s'attarder sur tout non plus. Voilà, c'est ça, certains films en valent peut-être plus la peine que d'autres. L'idée va être de vous proposer une sorte de petit calendrier de ce qui est prévu en sortie cette année. Est-ce qu'il y a des choses qui possiblement valent la peine? Est-ce que peut-être des choses qui peuvent créer la surprise? Ça va juste être une petite discussion au fil de l'eau autour de cette petite idée. Et ensuite, en deuxième partie, une idée que tu as eue. Bah que ce soit juste un petit épisode un peu chill, un peu détente, avec des jeux, des petites questions sur le cinéma d'horreur qu'on se posera, et le gagnant repartira avec absolument rien. Beaucoup d'affection et de considération. Voilà. Bah très bien, je propose qu'on démarre tout de suite, parce qu'en termes de sortie, il y en a quand même pas mal. Il y en a un bon paquet, là. Alors, déjà, parlons de ce qui est déjà sorti lorsque nous enregistrons, à savoir, bah déjà, Greenland Migration de Rick Roman Watt. Donc suite du film Catastrophe avec Gerard Butler, qui était pas si nul pour un Gerard Butler, à vous de voir ce que ça veut dire. Que j'ai pas vu pour le coup, et évidemment, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia DaCosta. Que j'ai pas encore vu, mais que j'ai ô combien hâte de voir, étant donné que le premier de cette nouvelle trilogie était déjà particulièrement réjouissant. Donc ça c'était pour les films du 14 janvier, mais le 21, qui sera peut-être même déjà sorti quand vous écouterez cet épisode, on a évidemment Primate de Johannes Roberts. Johannes Roberts, l'homme capable de tout réussir ou de tout rater, mais Primate a réussi à m'avoir avec sa promotion qui est plutôt bien rodée. Bah, qui est la même que Paranormal Activity. Bah, c'est ça, qui est basé sur les réactions des spectateurs. Je vais être assez curieux, d'autant plus que c'est une idée à peu près originale, autour d'un singe qui va tuer des gens, dans l'idée. Oui. Assez curieux. Même s'il y avait eu le film Link, oui, effectivement, qui était pas mal d'ailleurs. Bah, sur Johannes Roberts, je reste malgré tout un peu curieux de ce que cet Olibrius peut nous proposer, en espérant que ce soit quand même mieux que son dernier film en date, à savoir l'abominable Resident Evil. Et enfin, pour finir le mois de janvier, deux films, donc le 28, à savoir Les Légendaires, l'adaptation de la bande dessinée, donc réalisée par Guillaume Hivernel. Tout le monde s'en fout. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est ce que tu me disais il y a quelques jours, c'est qu'il y a eu des avant-premières il y a deux mois, personne n'en a parlé. Ouais. J'ai l'impression que le film il va sortir, ça va faire un album d'M6 Solar. On sait que ça existe, mais après. Et le même jour, Reconnu coupable de Timur Bekmambetov. L'homme qui a un concept et qui veut pas lâcher, il veut vraiment pas lâcher, il a le computer screen film, il est derrière tous les films. C'est ça, que ce soit à la prod comme quasiment tous ceux que vous avez vus, ou à la réal comme pour l'excellent Profile. Ouais, ça, il est capable de faire plein de choses super, mais il est aussi capable de faire quand même des sacrés daubes. C'est aussi lui qui avait fait Daywatch et Nightwatch, les deux films de vampires qui étaient russes d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et donc, bref, et surtout, par exemple, le présumé coupable. Est-ce que tu dis présumé coupable? Reconnu coupable. J'ai l'impression que personne n'attend ce film. Il y a Chris Mollusque Pratt, il y a Rebecca Ferguson qui est dedans aussi. Personne l'attend. Pour moi, ça, c'est un film TF1 21h. Alors, passons au mois de février. Le mois de février va s'ouvrir, mine de rien, avec le tant attendu Marsupilami de Philippe Lachaud, qui est techniquement un film fantastique. C'est vrai que, heureusement, on n'est jamais venu à parler de Philippe Lachaud ici. On pourrait, parce qu'il a fait son truc de super-héros et tout. Ouais, il a fait... Non, j'allais dire Nicky Larson, non. Parce Nicky que... Larson, il y a quelques éléments, mais c'est très faible. Bah, t'as le parfum de Cupidon, quoi, mais à part ça. Il vaut mieux pas qu'on en parle. Non, on va se faire strike sinon. Restons gentils, le film sort. Le film existe, déjà bien. C'est ça, le film existe. Et il va sûrement marcher en plus, donc. Oui. Malheureusement. Mais le film sort aussi le même jour que un film dont j'ai vu la pub sur Insta et qui a l'air quand même plutôt intriguant, à savoir N221 Bus de Nuit de Morad Aissaoui. Oui, que j'ai vu passer également. Et qui a l'air pour le coup assez cool, une espèce de film où on va suivre des jeunes dans un bus de nuit qui vont traverser des galères, et ça a l'air d'être un thriller plutôt efficace. Ouais, l'idée est assez attirante, d'autant plus que si le dispositif de mise en scène suit, ça peut être quelque chose de d'assez savoureux, étant donné qu'il y a cette idée de huis clos, mais qui est en déplacement, donc qui peut. Donc les règles du jeu, les règles de mise en scène, les règles du lieu peuvent être rebattues régulièrement. Assez curieux de ce que ça peut donner. Et restons sur un réal français avec évidemment Retour à Silent Hill de Christophe Gans. Ça va être trop bien, ça va être bien, ça va être bien. Si vous ne... Je crois qu'on n'en a jamais parlé, effectivement, mais Ouais. je suis un énorme gamer et je suis aussi un énorme fan de la franchise Silent Hill. Silent Hill 2 est peut-être mon jeu préféré all-time. Silent Hill 1 et 3, je trouve excellent, j'aime beaucoup le 4 aussi. Après les autres, ça va, ça vient. Je trouve que Origins et Downpour sont pas détestables. Je trouve que Homecoming est compliqué, pour dire le moins. Mais ouais, et au retour à Silent Hill, c'est peu dire que j'ai des attentes monstrueuses, étant donné que c'est surtout enfin le retour de Christophe Gans à cette franchise. Après Christophe Gans, quasiment 20 ans. ouais, après bah, 2006, le Ouais, c'est premier, ça, 20 ans, ouais. 20 ans, sachant que Christophe Gans, c'est quand même aussi le roi des projets annulés. Dire, le nombre de projets annulés qu'il a eu, ça se compte vraiment par dizaines. Bah, alors que le nombre de projets aboutis, ça se compte en 5. Ça se compte en 5, donc, et En en comptant 5, celui-là, du coup. avec possiblement aucun vraiment mauvais film dans la liste. Je t'avoue Donc, que j'ai vu que la moitié de sa filmo sortie pour l'instant. bah, là, de tête, j'ai pas vraiment de. Il y a des films que je trouve moins bons, mais aucun que je trouve mauvais, donc je suis vraiment extrêmement curieux et extrêmement intrigué par ce retour à Silent Hill, et autant dire que je l'attends de pied ferme. Ça va, j'ai pas vu son Crying Freeman et j'ai pas vu son Balai la Bête. Son Balai la Bête, moi, je trouve pas honteux du tout. Hein. C'est pas incroyable, mais c'est pas honteux du tout. Mais, dernier détail aussi, je pense, sur Christophe Gans, je fais partie de ceux aussi qui défendent vraiment assez ardemment le premier Silent Hill. Je trouve pas que du tout que c'est un excellent film, et ça a été dit plein moult fois, mais je trouve qu'il y a plein de problèmes de narration sur le dosage entre réalité, fiction, etc. Ça, on sait qu'il y a aussi des galères de prod avec les aventures de Boromir. Voilà, mais je pense que c'est une des adaptations, déjà peut-être la meilleure adaptation de jeu vidéo, en tout cas qui me vient en tête là maintenant. Et c'est un film que surtout que je trouve d'une beauté, d'une maîtrise de mise en scène absolument sidérante. C'est vraiment un régal pour les yeux de chaque instant. Ouais. Surtout si on est fan de la licence à la base. Pour le coup, j'avais vraiment bien kiffé le Silent Hill de Gans, mais surtout. Surtout Silent Hill Révélation 3D. Non, mais surtout l'été dernier, en fait, j'ai enfin découvert le Pacte des Loups et j'ai une espèce C'est fabuleux. de fascination pour ce truc, c'est génial. C'est fabuleux. C'est ça, c'est quelqu'un qui ose ramener une hybridation de cinéma qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc c'est pour ça que ce retour à Silent Hill est attendu au tournant. Eh ben, Silent Hill Révélation. Révélation, pas du tout. Retour à Silent Hill. Non, non, parce que Silent Hill Révélation, c'est autre chose, ça Oui. existe et c'est horrible. Retour à Silent Hill sera le film de clôture du festival de Gérardmer. Festival international de Gérardmer, effectivement. Excellente transition pour vous parler du film qui sort la semaine d'après, le 11 février, à savoir Send Help de Sam Raimi, Oui. qui sera le film d'ouverture donc de ce Gérardmer 2026. Retour de Silent De Sam Raimi à Retour de Sam l'horreur. Raimi à un pitch plus horrifique après quelques circonvolutions dans des milieux qui ne lui allaient pas toujours très bien. On peut dire ça comme ça. Tu penses au MCU? Bah, je pense au MCU, même si. Alors, loin de moi l'idée de taper gratuitement sur le MCU, même si je sais que je le fais très souvent, mais moi j'avais trouvé que son Doctor Strange 2 était pas catastrophique. Non, C'était c'est pas vrai. bien. Bah, c'était un Rémi sous Kryptonite et ça se sentait. Ah ouais, vraiment, mais preuve en est, il y a la scène de combat. Enfin, il y a une scène de combat coupée du film, dont l'extrait est trouvable sur YouTube, qui est trop bien, mais qui galère un peu, et on sent qu'il y a des envies, il y a des velléités horrifiques qui reviennent. On peut penser à la scène des miroirs, on peut penser à la scène avec les gardiens du tout, enfin je sais pas quoi, le Charles Xavier et tout, bordel là. Mais Les Illuminati. voilà, c'est ça, mais à chaque fois, c'est limité soit par des effets spéciaux à vomir, soit par ce qui gangrène aujourd'hui le MCU, à savoir un rythme de production qui est beaucoup trop élevé pour son propre bien. Oui. Mais je suis quand même très curieux parce que Sam Raimi, ça reste quand même celui qui a fait Mort ou Vif, qui est quand même un chef-d'œuvre, ça reste juste Evil Dead. Voilà. Voilà. Ça reste celui qui a fait Jusqu'en Enfer, ça reste même. C'était lui, Oz. Le mot Ouais. fantastique dose, oui. Qui était pas incroyable non plus, mais qui avait quand même plusieurs passages vraiment, vraiment plutôt remarquables. Donc je suis très, très, très curieux, Et puis d'autant plus même que c'est le. Spider-Man, Oui, voilà, accessoirement. juste peut-être la plus belle transition de l'histoire du cinéma avec le Spider-Man dans l'œil de Octopus, Oui. fabuleux. Et surtout le casting de Send Help avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Et Oui. je suis. Ouais, moi, Rachel McAdams, je prends. Oui, bah on vous renvoie évidemment à l'épisode de Wes Craven où on parlait de Red Eye. Exactement, mais c'est. Bah, Send Help qui, en plus, avec cette idée de subordonné d'un boss qui se fait plus ou moins tyranniser à son travail et qui, d'un coup, au cours de. Suite à des événements malencontreux, les deux se retrouvent sur une île abandonnée. Oui. Lui est blessé et les trucs vont s'inverser. À noter également que la promo est fabuleuse, où on la voit, elle, couverte de sang. Et c'est voici, alors j'ai plus son nom, responsable, l'intitulé de poste, responsable marketing ou un truc comme ça. Vraiment, Marketing ouais, digital. voilà, j'aime beaucoup la promotion. Donc, grosse attente également. Et pour rester sur Gérardmer, le 18 février, la semaine d'après, on aura Cold Storage de Johnny Campbell qui sera présenté en hors Hors compétition compétition à Gérardmer. À Gérardmer cette année. Avec Joe Keery Joe Keery. de Stranger Things Oui. au casting. Et aussi pas mal d'autres membres assez prestigieux, mais je les ai plus en tête, je vous laisse vous renseigner pour le cast de Cold Storage. Et enfin, le 25 février, l'aboutissement de peut-être la meilleure série de 2024-2025, la pré-production de Scream 7. La pré-production de Scream 7. Non, c'est sérieux. Scream 6, ça date de quand déjà là? 2023. 2023, et Scream 7 avait été annoncé quasiment au moment de sa sortie. Donc là, on a le temps de voir venir. C'est un bordel. C'est C'est ça. Bah, un. en fait, depuis. Même 2024, en fait, j'y pense. Depuis le renvoi de Melissa Barrera, s'en est suivi ce qui a suivi, c'est-à-dire le départ de Ortega volontairement pour soutenir justement Melissa, le départ des réalisateurs Bettany Lepine et Gillette. Christopher London qui arrive sur le projet et qui finit par repartir. Kevin Williamson qui récupère le bousin, mais la communication était un peu bizarre, on ne savait pas s'il avait été désigné responsable ou si lui-même était allé sur le truc. On rappelle que c'est son deuxième film. Oui. Donc ça. Son deuxième film en 30 ans. Voilà, et la bande-annonce a l'air chaotique, pour dire le moins. Honnêtement, Scream 7, ouais, je l'attends un peu, mais parce que, déjà parce que je suis amoureux de la franchise Scream, mais surtout parce que j'ai un peu ce plaisir coupable de. C'est comme quand tu regardes un accident sur le bord de la route, quoi. C'est ça. C'est vraiment là. On va peut-être assister à la fin d'une des plus grandes franchises du cinéma d'horreur. C'est pas donné à tout le monde, hein? C'est vrai, ça va, c'est vrai. Passons au mois de mars et qui va s'ouvrir avec peut-être une de mes plus grosses attentes de 2026, à savoir The Bride de Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal, effectivement, donc cette réinterprétation du mythe de la fiancée de Frankenstein par Exactement. Maggie Gyllenhaal qui avait déjà réalisé un film avant qui était pas mal du tout, je n'ai plus son nom Je évidemment, l'ai plus non plus, il était sorti sur Netflix, et je qui était crois. vraiment pas mal, qui était vraiment vraiment pas mal. Donc, réinterprétation du mythe de Frankenstein, on a eu la version de Guillermo del Toro qui est peut-être l'une des plus grandes claques esthétiques de l'année passée. On va voir donc ce que ce point de vue, d'autant plus, étant donné que c'est un point de vue féminin, peut apporter sur cette histoire. Exactement. Le 11 mars, restons sur une thématique festival, puisqu'on aura Planète de Momoko Seto, qui était passé par le festival d'Annecy, Et qui est à Gérardmer et qui est à également. Gérardmer, du coup, Hors compétition. en En compétition. compétition, compétition, effectivement, Compétition, il me semble, compétition. oui. Histoire de les trois pissenlits qui se baladent de planète en planète. C'est ça. Après la destruction de la Terre par une explosion nucléaire. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le point de départ me fait un peu penser à Watership Down. Donc Ah, j'ai pas là. c'est le film d'animation anglais avec des lapins, Ok. qui est un peu traumatisant quand même. Mais très intrigué, ne serait-ce que par cette idée-là, j'ose espérer que ça peut être un régal visuel de chaque instant, étant donné que ça, l'idée est quand même d'une certaine poésie, je trouve. Ok. Et le même jour, on aura Scarlett et l'éternité de Mamoru Hosoda. Que je vais pouvoir rattraper enfin, même si je dois admettre que j'ai vu beaucoup, qui était en clôture du PIF, Film donc de clôture du pif. qu'on a couvert, encore merci à eux, et que toi tu avais vu là-bas à cette Oui, occasion. et on vous renvoie du coup à l'épisode bilan du pif qu'on a sorti le mois dernier. Exactement, et donc moi j'avoue avoir vu quand même plusieurs retours sur le film qui circulent, qui ont l'air de modérer quand même pas mal les attentes, qui disent qu'il y a des choses exceptionnelles, comme d'habitude, mais mollo, mollo, mollo, Mollo. mollo. Le 18 mars, une autre grosse attente que j'ai, puisqu'il s'agit du retour d'un de mes duos de réal préférés des années 2010. Évidemment. Projet Dernière Chance de Phil Lord et Christopher Miller. Alors, Donc Lord et c'est bien Miller. Project Hail Mary, C'est ça. avec Ryan Gosling. C'est ça. Donc, Lord et Miller, c'est ceux à qui on doit, entre autres, les Jump Street, Qui mais sont parmi qui. tes films préférés? C'est ça, mais qui, en termes de producteurs, sont derrière, au hasard, Spider-Verse. Spider-Verse, et qui avait également réalisé ce qui est peut-être l'un des films des années 2010 que je trouve les plus mésestimés, à savoir Lego La Grande Aventure. Qui Exactement. est très premier degré, que je trouve premier degré être un excellent film. Qui est excellent. Je sais pas pourquoi personne, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, parce qu'il avait quand même bien marché à un moment de sa sortie. Mais je revoyais Lego La Grande Aventure, c'est vraiment bien, et au-delà d'être extrêmement drôle, quel que soit l'âge auquel on le regarde, parce qu'on peut se dire un Lego, non, non, c'est toujours très drôle, c'est également un très beau message sur l'individualité, sur le rapport à soi-même, et à travers le rapport à soi-même, le rapport aux autres, et le rapport à ce qu'on crée également, vraiment excellent film. Le rapport à l'autorité aussi, Par rapport à énormément de l'autorité, oui, choses. c'est un film très clair, politiquement aussi. Et la suite Lego Batman est pas mal. Je trouve vraiment excellent pour le coup Lego Batman. Par contre, la grande aventure Lego 2, Que je n'ai pas vu parce qu'on m'a dit que c'était horrible. Par contre, j'ai joué au jeu et le jeu est horrible. C'est pas très bien, Lego 2. Par contre, on leur doit aussi l'épisode pilote d'une des séries les plus cultes des années 2010 aussi, à savoir Brooklyn Nine-Nine. Ah oui? Oui. Eh ben je chef-d'œuvre exceptionnel, merveilleux, Team Rosa Diaz ici. Mais ouais, effectivement, qui donc leur retour au cinéma parce qu'ils n'ont pas réalisé depuis bien, j'allais dire 10 ans, mais. Bah depuis du coup Jump Street 2, si je dis pas de bêtises, qui était en 2014, Bah, ça se fact-check. dans ces eaux-là, mais effectivement, ça va être leur retour au cinéma. Sacrée attente, d'autant plus que, effectivement, c'est un film de SF avec un certain budget. Et Ryan Gosling, alors personnellement, je fais partie de ceux qui aiment vraiment, vraiment beaucoup Ryan Gosling, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur, étant donné qu'il avait réalisé Lost River, qui était pas. Qui est un film très intrigant, qui est lié à la musique de son groupe et qui, je pense, promettait. Enfin, indiquait qu'il y avait des envies de mise en scène derrière cet individu au physique absolument bouleversant. Et donc, c'est bien depuis 2014, la même année où ils ont sorti donc 22 Jump Street et La Grande Aventure Lego. Ouais, donc ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas réalisé. On leur fait confiance, étant donné qu'ils sont derrière Spider-Verse, ce qui ne peut qu'imposer le respect. Et un de mes petits coups de cœur aussi des années 2020 qu'ils ont produit et coécrit, qui est Les Mitchell contre les machines. Oui, excellent film également, bah, qui était un des enfants de Spider-Verse dans le style d'animation, Totalement. et qui était pareillement, je pense, aussi un petit chef-d'œuvre, c'est vrai que j'aurais adoré voir en salle, mais qui est disponible sur Netflix, avec peut-être l'un des personnages qui me fait le plus rire, Le chien. le chien. Le chien que je trouve, mais d'une. C'est un ressort comique qui est simple, mais que je trouve tellement drôle. Je rappelle quand même que l'accomplissement de personnage du chien pendant tout le long du film, c'est d'arriver à regarder devant C'est lui. d'arriver à regarder devant lui, et avec notamment le fait que le chien est un élément pour sauver l'humanité parce qu'il ressemble à du pain. Oui, Voilà. du pain de mie pour être précis. Et donc le même jour, on aura alors David de Brendoes et Phil Cunningham, qui est un film d'animation pour enfants, sur l'histoire de David et Goliath. Oh! Attends, écoute, j'en ai pas entendu parler, mais très, très Moi non intéressant. plus. Et le même jour, on aura Whistle de Corinne Hardy. Ah oui, donc slasher un peu à la veine de Destination Finale, de ce que j'en ai lu, avec Daphne Keane. Avec Daphne Avec Keane Daphne Keane, qui était la et... jeune X-23 dans Logan et qu'on avait revu dans Deadpool et Deadpool et Wolverine. Wolverine, Qu'on effectivement. a revu après The Acolyte, dans The Acolyte, dans Percy Jackson. voilà, qui est une actrice qu'on voit pas souvent, mais que ici on aime beaucoup. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Et Whistle, Corinne Hardy, qui avait réalisé La Nonne, si je ne dis pas de Oui, bêtises. qui avait réalisé Le Sanctuaire aussi. Et qui avait participé à des épisodes de Gangs of London, qui est la meilleure série d'action actuelle. Je vous en supplie, voyez cette série. Bah, c'est fait par enfin, la première saison, il y a des épisodes réalisés par le fou furieux derrière The Raid. C'est génial. Et donc, pour le coup, curieux, curieux, curieux, parce qu'en plus, moi, nous, je défends les milieux de budget, les séries B milieux de budget comme ça. Donc, moi, s'il y a quelques effets gore ou un peu sympa, je suis client. Et en plus, ça se base sur les folklores aztèques, donc. Donc, imagerie qu'on ne voit pas, je vous renvoie au nombre d'épisodes où je tiens ce discours de une histoire qu'on m'a racontée 10 000 fois, mais avec des choses que j'ai jamais vues avant, ça reste une histoire intéressante. On vous renvoie au segment mexicain dans VHS 85. Ouais, j'allais dire, je sais plus le numéro, mais effectivement, C'est VHS dans le 85. 85. Ce qui se base donc sur le vrai tremblement de terre de Mexico en Exactement, 85. exactement, exactement. Et enfin, pour finir le mois de mars, They Will Kill You de Kirill Sokolov. Donc, qui avait réalisé Why Don't You Just Die? Qui avait eu le prix au PIF en 2018 ou 19, si je ne dis pas de bêtises, Peut-être. et qui donc là a l'air d'être le film d'action bourrin de l'année. Évidemment qu'on est là pour ça. Oui, et je note aussi que c'est le retour de Tom Felton au cinéma après Oui, un long effectivement. moment. Et bah, qu'il avait fait du théâtre, si je ne dis pas de Oui, bêtises. bah, qui a d'ailleurs repris son rôle de Drago Malfoy Voilà, Tom Felton, c'est Drago Malfoy, dans L'Enfant effectivement. Maudit. Et donc, ah oui, et précisons que They Will Kill You, c'est avec Zazie Beetz, Oui. qu'on avait vu dans le rôle. Qu'on avait vu dans Bullet Train, Dans Bullet déjà, Train, dans Deadpool 2 et qu'on aussi, qui avait joue vu dans Domino. Deadpool 2 qui jouait Domino, effectivement. Pour le coup, très grosse curiosité, parce que déjà, Why Don't You Just Die avait son lot de viande sur les murs, quand même. Et là, j'ose espérer que ce sera notre film d'action gore de l'année. Il y en a en moyenne un par an, et je suis toujours client de ces propositions-là. D'ailleurs, au moment où vous écouterez cet épisode, a priori, un article sera sorti sur le site sur Project Wolf Hunting, qui était il y a, au moment de sa sortie, le film d'action gore de son année. Et ben, magnifique transition que tu nous fais là, parce que Project Wolf Hunting était distribué par ESC, Ça se travaille, hein, ça se et travaille. ce 1er avril, nous aurons Dolly de Rod Blackhurst, qu'on avait chroniqué Qu'on avait donc chroniqué, qu'on dans avait vu au pif, l'épisode. auquel on vous renvoie directement sur. On vous renvoie à cet épisode pour avoir notre avis au moment où on l'avait découvert. On n'avait pas été les plus séduits par le film. Il y a du bon à en tirer si on aime ce genre de cinéma. Ouais, la Reine Necro Horror. Exactement. Mais ce même jour, on aura aussi Super Mario Galaxy, donc de Aaron Horvath et Michael Jelenic. Donc la suite de Super Mario Bros. Le film. Exactement. Sauf que c'est pas Super Mario Bros. 2, qui est autre chose encore. Mais intrigué. Je sais que t'avais bien aimé toi le premier Super Mario? J'avais bien aimé, ouais. Moi j'étais sorti. C'est diverti, mais pas non plus enchanté. Je trouvais que c'était parfois un peu trop littéral dans les références que ça voulait faire. Mais vraiment assez intrigué parce qu'en plus, bah, Super Mario Galaxy, hein, c'est très classique, mais fait partie. C'est mon Mario préféré, le 2 en tout cas. Donc je très très très. Très, très, très hype par ça, ne serait-ce que pour l'idée de retrouver aussi cet univers que j'aime tant. Déjà, on a vu que dans la bande-annonce, il y avait le personnage de Harmony qui était là, il y aura probablement Luma qui sera avec, donc je... Et on a vu que le méchant, cette fois-ci, sera Bowser Jr., par Ouais. ailleurs. Ce 8 avril, oui c'est ça, ce 8 avril, on aura Chao, alors qui s'écrit C majuscule H-A-O majuscule, donc de Yasuhiro Aoki, donc qui est un film d'animation japonais où les humains et les sirènes cohabitent. Ça peut faire, ça peut être comme le film sorti il y a 2 ans, Le Royaume des Abysses, Oui! ouais, qui était Film chinois visuellement incroyable, et grosse chialade quand même, hein, voilà, oui. et qui était sorti sans trop de promos. Il y a eu quelques bandes annonces à droite à gauche, Il mais y qui avait était un partenariat avec le restaurant chinois Tran C'est pas une blague, c'est vrai. ouais, il y avait vraiment, ils vendaient des bubble tea avec des gobelets à l'effigie du Royaume des Abysses. Pour le coup, en plus, c'était sorti sans trop faire de bruit, mais c'est bien dommage parce que vraiment, j'avais trouvé que c'était un excellent film et j'imagine que ça fera pareil sur ça parce que généralement, les films d'animation asiatiques, pensez même à Neza 2, Oui. donc très peu de promos ici, donc c'est bien dommage. Mais à deux qui restent, on rappelle, le plus gros succès au box-office de 2025. Et à raison, quel film! Voyez Neza 2, c'est de loin le blockbuster qui m'a le plus diverti cette année. Là, au bout de 4 semaines, on se doute que Avatar 3 le rattrapera pas. Oui, ça c'est. Là pour le coup, ça va être très compliqué à taper, parce qu'en plus, il a dépassé les 2 milliards et de loin, je crois. Donc. Oui, je Ouais. crois qu'on est ouais, à... De loin, je sais qu'on est entre 2 milliards 100 et 2 milliards 500. Ouais, donc bon courage à Avatar 3, même si on l'espère, évidemment. Ce même jour, nous aurons The World is Full of Secrets de Graham Swan, donc qui est un film où 5 adolescents se racontent des histoires qui font peur. Allez. Et on va suivre ces histoires. Et enfin. Ça sent le film à sketch, ça. Ça sent. Et enfin, Wedding Nightmare, deuxième partie, Ready or Not, Here I Come, Ready or Not, Here I Come, de avec. Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett. Donc le retour de Radio Silence au film qui les avait plus ou moins mis en avance, mis sur le devant de la scène de l'horreur internationale. Toi, t'avais beaucoup aimé, toi, le J'avais premier. vraiment bien aimé, ouais. Je l'ai pas revu puis c'est la sortie salle, donc ça fait quand même plus de 6 ans maintenant. Ouais, en plus, en question, on va retrouver Samara Weaving et Sarah Michelle Gellar, si je ne dis pas de bêtises. Sarah Michelle Gellar et la sœur de Samara Weaving dans le film qui sera jouée par Catherine Newton. Ah, Catherine, qu'on avait vu dans Bah Freaky, si je ne dis dans pas de bêtises. Freaky, ouais, qui était aussi qui jouait la qui jouait Cassie Lang dans Quantumania. Exactement, donc pour le coup, assez intrigué parce que moi personnellement, le premier Wedding Nightmare, je trouvais qu'il y avait du bon et un peu de moins beau, mais je trouvais ça étonnamment rigoureux dans la mise en scène et très divertissant dans ce que ça amenait, donc cette espèce de jeu de chasse et du chat et de la souris autour de cette jeune mariée. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme suite par rapport à ça. Et donc, on sera là, nous serons là, nous serons là. D'autant plus qu'on avait beaucoup aimé Abigail, donc le précédent film Oui, du duo qui est sorti il y a 2 ans aussi, si je ne c'est dis pas ça, de bêtises. qui était, je crois, du coup, dans le bilan 2023. Exactement. Ce 15 avril, nous aurons La Momie de Lee Cronin. Je sais pas. Je sais pas. Déjà, il y a Blumhouse derrière, donc bon, voilà. Et Ouais. surtout, qu'est-ce qu'il veut raconter avec la momie? Et ça reste quand même un réalisateur sur lequel je pose un petit point d'interrogation, notamment sur son rapport à la famille et à l'avortement. Donc En fait, d'un côté, oui, parce que j'aime beaucoup la momie, ça reste un mythe que j'aime bien. Et puis, bah, factuellement, les films de la momie, alors, les anciens, font partie de mes films préférés. Et Mais. puis Lee Cronin à la mise en scène, en soi, Evil Dead Ouais, Evil Rise. Dead Rise, c'était efficace, mais Oui. même Hole in the Ground, c'était quand même un peu dodo. Oui. Donc je sais pas trop. Sauf que le premier teaser, je pas trop compris ce Je l'ai qu'il pas veut nous vu, je dire. t'avoue. Donc pourquoi pas, mais aussi pourquoi. Mais le même jour, nous aurons Marama de Taratoa Starpard, je crois. Oui, donc qui était passé au pif, Oui. et qui est distribué d'ailleurs par un petit distributeur indépendant. Ils en avaient parlé au pif. Donc film néo-zélandais, gothique. Absolument magnifique, peut-être un peu slow burn, mais vraiment que j'avais personnellement beaucoup beaucoup apprécié. Passons au mois de mai. Bien sûr. Passons au mois de mai. Le 6 mai, nous aurons Mortal Kombat 2 de Simon McQuaid. Le meilleur adaptation de Mortal Kombat existe, elle s'appelle The Night Comes For Us, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le premier, c'était quand même vraiment pas dingo. Je l'ai pas vu. Bah, c'était du gore numérique, c'était des artistes martiaux mal utilisés, enfin. J'en viens presque à me dire que je préfère peut-être le Paul W.S. Anderson, qui est très kitsch, Pas vu non plus pour le mais coup, j'ai vu qu'un qui est au film. moins un peu rigolo. T'as le Christophe Lambert qui fait... Il y a tout ça. Là où le Simon Michael, je le trouvais vraiment... Je trouvais qu'il avait pas trop d'âme, en fait. Surtout pour une franchise comme Mortal Kombat, où bon courage pour l'adopter, quand même. Ouais. Et le même jour, on aura Mis à mort de Guillaume Niclou. Ah! Donc Guillaume Niclou, alors voilà, je fais partie de ceux qui avaient aimé La Tour, je suis tout seul. Mais Guillaume Niclou, qui est quand même un réalisateur qui a fait beaucoup, beaucoup de films que je trouve géniaux, notamment Jusqu'aux confins du monde, avec Gaspard Ulliel, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas. Et qui était un film de guerre vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. Et donc, est-ce qu'on a peut-être un pitch ou quelque chose sur Alors, celui-ci? c'est un film de disparition sur un homme qui va chercher sa femme, je crois. Et il y a, entre autres castings, Benoît Magimel et Pomme Clémentieff. Quel casting improbable quand même! Oui. Parce que Pomme Clémentieff, elle a déjà tourné dans un film français? Les Caïras de Gaston Bide, je Ah, sais. je... Factuellement, c'est un film français. Oui. Mais écoute, bah pour le coup, sur Guillaume Niclou, j'ai envie de croire qu'il peut-être continuer à proposer des choses intéressantes. Des choses intéressantes. Et je confirme d'ailleurs, bien par ailleurs, Les Confins du Monde avec Gaspard Ulliel, c'était bien lui. C'était en 2018. Ok. Le 13 mai, semaine suivante, on enchaîne avec Obsession de Curry Baker, donc un film où un homme fait le vœu que son crush l'aime, mais ça déclenche malencontreusement une malédiction. À noter que le film a une solide réputation derrière lui, puisqu'il a déjà tourné pas mal en festival, plusieurs personnes l'ont vu, et beaucoup de gens qui l'ont vu le considèrent comme un des meilleurs films de 2025. Donc ça, pour le coup, je suis très très très content qu'il sorte en France. Ok, et on va finir ce mois de mai avec une de mes grosses attentes de l'année. Vaiana en live action. Non, ça sera pour le mois d'après. Ou 2 mois après, je sais plus. Non. The Mandalorian N Grogu, réalisé par Jon Favreau. Ah, c'est Jon Favreau qui réalise? Il me semble, non? Donc Jon Favreau qui avait réalisé Iron Man 1 et 2, par exemple. Oui. Ah bah écoute, toi, c'est ton côté Star Wars boy. Tu aimes Oui. trop Star Wars, tu aimes trop Star Ouais, Wars. c'est bien Favreau, ouais. Tu aimes trop Star Wars. Toi, tu avais beaucoup aimé Mandalorian en C'est ça, plus. bah en plus, Favreau était showrunner sur la série, il avait réalisé quelques épisodes. Évidemment, il y a beaucoup de réals qui se sont succédés, notamment Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard aussi. Je savais pas qu'elle avait réalisé Elle en dessus. a réalisé 3, je crois. Heureusement que c'est pas Rodriguez derrière Mandalorian and Grogu, parce qu'on peut rappeler que Rodriguez est aussi peut-être à l'origine de ce qui est une des pires séries Star Wars, avec Book of Boba Fett. Ah, c'était très compliqué, c'était très très compliqué. C'était pas bien. Mandalorian and Grogu, est-ce qu'on a des infos sur la façon dont il s'insère dans la mythologie Star Wars, où est-ce qu'il est, comment il est situé? Bah du coup, il se situe à la suite de la série Mandalorian qui prend place donc quelques années après l'épisode 6. Ok. Et donc Mandalorian qui avait 2-3 saisons? 3 saisons. Voilà. Et donc il est censé, si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'en ai lu, conclure cet arc autour du personnage du Mandalorian. J'espère, parce que pour le coup, conclure un arc au cinéma, ce serait toujours cool. Et qui joue The Mandalorian? Évidemment, Daddy, Ouais, Pedro Pedro Pascal. Pascal. Pedro Pascal. Et en plus au casting, on a nul autre que Sigourney Weaver. Alors dans quel film elle n'est pas maintenant? Alors est-ce que tu peux peut-être nous donner l'anecdote que tu m'avais racontée il y a quelques jours sur l'animatronique de Grogu? Ah oui, qui est donc au début du tournage de la série Mandalorian, il y a un certain acteur dedans, qui dans la vraie vie est plus connu pour être réalisateur, à savoir Werner Herzog, qui joue donc le commanditaire de Mando, et qui voit donc l'animatronique de Grogu sur le tournage, et qui tombe en amour, parce que c'est adorable, et surtout, technologiquement, l'animatronique de Grogu est irréprochable. C'est-à-dire, déjà il est trop mignon, et surtout, il est animé de partout, des oreilles, des yeux, des bras, enfin c'est trop mignon en plus. Et il entend dire que, enfin il entend l'équipe de prod dire qu'ils hésitent entre garder l'animatronique, ce qui serait visuellement plus convaincant, mais techniquement plus encombrant sur le plateau. Qui demande beaucoup plus de préparation, qui demande au moment du tournage une logistique infiniment plus complexe. Ça. Ou de passer en CGI, ce qui, alors, visuellement est toujours moins convaincant qu'un animatronique. Surtout en 2025 ou avec les moyens de Disney. Surtout, soyons clairs, un animatronics bien fait sera toujours toujours meilleur qu'un CGI bien fait, Oui. sauf exception comme Avatar, mais à nouveau, on ne peut pas considérer Avatar comme une norme. Surtout à l'ère des CGI américains comme ce qu'on peut constater aujourd'hui. C'est ça, surtout que bah, littéralement les Na'vi n'ont pas du tout la même échelle Oui. que Grogu. Et donc, Et il entend cette hésitation. il entend ça et Werner leur dit, si vous utilisez des CGI, vous êtes des lâches. Et factuellement, il avait pas tort, il Y a avait pas pas. tort, il a pas tort. Donc Mandalorian Grogu, qui en plus, selon les premiers posters, alors je ne sais pas si une bande-annonce est sortie, à nouveau, je sais Oui, que tu es bien plus au fait de on a Star une Wars que moi. bande-annonce avec Sigourney aussi. On retrouve des huts, on retrouve. Bah, sur les premiers posters, le film a l'air d'avoir une dire une vibe, une ambiance très, je sais pas comment dire, mais comic book années 50. En tout cas, c'est ce que la bande, c'est ce que l'affiche laisse deviner. Ouais, ouais, bah, l'affiche qui est magnifique et qui a vraiment le côté un peu, ouais, ça film d'aventure des années 50, 60. C'est ça, et avec ce truc magnifique qui est avec Pedro Pascal dans le rôle de Mandalorian et Grogu dans son propre rôle. Ça, pour le coup, je suis rarement ultra hype par temps. Enfin, je sais que tu es beaucoup plus au fait de ça que moi, mais je dois admettre m'être surpris à me dire que peut-être que celui-ci, j'irais bien le voir quand même. Et sachant qu'on aura aussi un Star Wars l'année prochaine, avec Star Wars Starfighter, avec Ryan Gosling dans le rôle titre, et réalisé par Sean Levy. Sean Levy, exactement. Sean Levy, avec Tom Cruise qui a réalisé une scène de combat au sabre. Je sais que l'info a tourné. Et si je ne dis pas de bêtises, Star Wars Starfighter, j'y arrive, qui va enfin, alors d'autres films ont tenté, mais qui va à nouveau sortir de l'arc ultime de oh, il y a un élu qui va lutter contre X ou Y, ça va être une histoire à part. Oui, et un des meilleurs films Star Wars étant une histoire à part, à savoir Rogue One. Rogue One, et l'un des pires est aussi une histoire à part, à savoir Solo. Donc c'est pour ça que, mais curieux quand même, surtout que Sean Levy, c'est pas un excellent réalisateur, mais c'est quand même quelqu'un qui a un sens du divertissement assez marqué. Donc je. Ouais. Allez, pourquoi pas. Et dans Starfighter, on retrouve aussi accessoirement Mia Goth, Amy Adams et Matt Smith. Ce casting n'a aucun sens. Ce casting n'a aucun sens. Passons au mois de juin, avec le 10 juin, le même jour, Scary Movie 6 de Michael Tides. C'est pour toi, ça. Tides, je sais pas comment on dit, T-I-D-D-E-S. Tides. Voilà, donc le retour des Wayans. Alors, ce sera après pas que Kenan la franchise se soit quand même fait saloper dans tous les sens. Par les deux responsables affreux que sont trois responsables du coup, les deux frères Weinstein et David Zucker, qui ont mais salopé Scary Movie comme pas possible. Qui ont participé à enterrer avec comment ils s'appellent les deux. Friedberg et Seltzer. Avec Friedberg et Seltzer, ça a participé à enterrer à peu près instantanément le genre de parodie qui était apparu quelques années auparavant. Enfin, c'est ça. Qu'ils avaient même créé quelques années auparavant. Qu'ils avaient du moins remis au goût du jour, parce que c'est vrai que depuis Mel Brooks et les As, le genre de la parodie était plus. Genre de la parodie mainstream mis en avant et ouais. Assumé comme tel n'était plus existant tout simplement, n'était plus à ce statut là en tout cas. Et donc c'est bien Michael Tides qui le réalise, donc pas Kenan Ivory Wayans comme Scary Movie 1 et 2, mais toujours les Wayans au scénario et au cast. Ils reprennent le cast du coup du 1, donc pourquoi pas. Mais pour le coup, en plus je pense qu'en 2025 on voit la perdition pop culturelle, en tout cas au niveau du cinéma que nous offre Hollywood, je pense qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire surtout, et littéralement tout est attaquable si on prend le bon angle, parce que évidemment on pourrait dire ah, y a trop de films woke et tout, non ça c'est pas drôle, ça a jamais été drôle, faut arrêter, mais ni pertinent d'ailleurs, ni pertinent en plus, mais tout ce qui est je sais pas, se moquer éventuellement de la politique de Hathaway de A24, ouais. Notamment le fait de spoiler tes films dès les bandes annonces, le fait de savoir sur hype un film pour finalement pas forcément grand chose, enfin bref, de statut des effets spéciaux, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à faire, et donc j'ose espérer que Scary Movie 6 sera peut-être le petit sursaut dont on a besoin. Et le même jour, on aura Disclosure Day de Steven Spielberg. Je n'ai vu aucune bande-annonce, je n'ai rien vu, j'ai monstrueusement hâte. J'ai découvert la BA quand j'étais à la projo des passionnés Gaumont pour Gourou, parce que du coup il y a 40-45 minutes de pub, enfin de bande annonce, et de bande exclusive si je ne dis pas de bêtises en plus. Exclusive je sais pas, mais en tout cas ils en ont passé pas mal, et notamment pour Disclosure Day, pour Scream 7, pour Mandalorian Grogu. Et puis Disclosure Day, ce qui donne envie, c'est que derrière, on a quand même David Cup. Alors, David Cup, ce scénariste au mille et un succès et au moins autant d'échecs, puisque c'est quand même la personne qui a scénarisé, je sais pas, au pif, tu me fais une petite réaction, Jurassic Park. Oui. Spider-Man 1. Oui. Mission Impossible 1. Oui. Jurassic Park 2. Hein ? Indiana Jones 4 et 5. La momie avec Tom Cruise. Non mais toute blague mise à part, ça reste aussi quand même un réalisateur talentueux, enfin scénariste talentueux, puisque il a aussi écrit Snake Eyes, il a écrit Death Becomes Her. La mort va si bien. De Robert Zemeckis. Et puis ouais, c'est Janusz Kaminski évidemment à la photo, et effectivement au casting c'est Emily Blunt et Josh O'Connor. Et puis quel cinéphile serions-nous si on osait dire qu'on n'attend pas un film de Steven Spielberg, l'homme qui n'a peut-être jamais fait de daube. À ma connaissance, il a fait des films moins bons, mais est-ce qu'il a déjà fait une. Ah ouais, si, Hook, c'est quand même vraiment pas fou. C'est trop bien, Hook. T'es un grand fou. T'es un grand fou furieux de la vie, c'est trop bien, Hook. Non, mais puis même sur ses derniers films, c'est West Side Story, moi j'avais trouvé ça exceptionnel. Fableman, ça m'avait bouleversé. Donc, ouais, pour le coup, Disclosure Day, surtout, c'est le retour de Spielberg en plus à la SF. Depuis, bah Bah, la guerre des mondes, je depuis la crois. guerre des mondes, effectivement. Techniquement, depuis Indiana Jones 4. Actually, mais ouais, mais prenons la guerre des mondes dans le côté frontal Oui. par rapport à ça. Et la guerre des mondes, qui est, je pense, très sincèrement, un de ses meilleurs films, Totalement. peut-être l'un de ses 10-15 meilleurs films. Alors après, c'est quand même très dur à dire. Mais on parle quand même de quelqu'un qui a une filmographie tellement fournie que n'importe lequel de ses films quasiment pourrait être son meilleur film. C'est ça. Donc ouais, Disque Jordan Et et avec des Dieu. films aussi variés que, au hasard, La Guerre des Mondes, La Liste de Les Schindler, Dents de la Les Dents de Mer, la Mer, Le Duel. Soldat Ryan. Arrête-moi si tu peux. On parle peut-être de quelqu'un qui pourrait négocier comme le plus grand réalisateur de tous les temps. En partant de ce principe-là, on peut s'arrêter là. Ou à Déjà, 10. le plus bankable, ça c'est sûr. Ouais. Mais En déjà. même temps, Cameron au ratio bankable nombre de films Oui, là-dessus, est mieux il est placé. gagnant. Mais Spielberg ayant été beaucoup plus prolifique et depuis plus d'années. Vous savez, tout ça pour dire que Disque Jordan, on l'attend, on le veut, on en a besoin. Oui. La semaine suivante, alors, dur de passer après Spielberg, mais film de gros studio, encore une fois, Toy Story 5 d'Andrew Stanton et Makin Harris. Je vais le dire comme je le pense, j'en ai rien à foutre. En fait, Toy Story, moi, alors, je suis pas le plus gros fan du 3. Je sais que je suis tout seul là-dedans, mais j'aime beaucoup le 1. J'adore le 2. Pareil, tout le monde oublie le 2, mais il y a plein de trucs, choses que j'aime beaucoup dans le 2, notamment le passage où il recoue Woody. Oui. J'adore ce passage-là. Le 3, j'étais pas hyper fan. Je sais que je suis tout seul. Et alors, le 4, il y a quelques gags marrants. Genre le motard Keanu Reeves, là. Celui-là, il est Oui, rigolo. Jack Kaboom. Fourchette, c'est marrant. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Et surtout, le 4 avait déjà ce côté un peu allez, dernier tour de piste, on relance un peu, quoi. C'est ça. Et Je sais pas. même la conclusion du 4 avec... Bon, spoiler, après Oui, cette spoiler, story, spoiler, je oui. pense qu'on l'a plus ou moins tous vu, mais Woody qui décide d'abandonner le groupe et de partir vivre sa vie avec la bergère. J'ai pas compris l'idée. Surtout que Enfin, j'imagine qu'ils l'idée vont de faire un 5 après ça, quoi. Ouais, j'imagine qu'ils vont le ramener, parce que évidemment qu'ils vont ramener Woody. Mais après, Pixar, DreamWorks. DreamWorks. Ouais. Non, Pixar, oui. Ça fait quand même. Ils oscillent un peu, je trouve, dernièrement, donc je sais pas, on verra. C'est ça. Moi, On mon verra. dernier vrai gros coup de cœur C'est Pixar, c'était Soul. Soul, ouais. C'était en quelle année? C'était 2020. 2020. Voilà, parce que depuis. Ouais, Élémentaire. Nous, c'est rare. Et non, pardon, Élémentaire, j'avais vraiment adoré Ouais, aussi. moi, perso, Élémentaire, je trouvais ça trop. Enfin, je trouve ça magnifique, mais un peu facile dans ce que ça raconte. Là où Soul, je trouvais ça beaucoup plus fin, beaucoup plus pertinent, précis et discret dans ce qu'il amène. Là où Élémentaire, je trouve ça Et puis, un peu gros sabot, quoi. accessoirement, Soul, il n'y a plus de docteur derrière, quoi. Oui, ça joue. Ça Ça joue. joue peut-être. Donc on verra. On verra. Au moins l'animation sera jolie, a priori. Oui. C'est vrai que la vue, ils sont quand même durs à prendre. Oui. Après, vu les moyens qu'ils ont, ce serait. Ouais, c'est quand même un peu le minimum syndical que le film soit au moins agréable à voir. Ouais. Après, curieux de voir ce que donnera un film Toy Story sur. Parce que, du coup, d'après l'affiche et la bande-annonce, ça reste. Je crois que le sujet, ça va être du coup la dualité entre les jouets et les iPad Kids. Wow, que c'est original. Putain. Ouais. Comment ça s'appelait ce film? Alors je crois que c'est dommage pour le coup, mais ce film Disney abominable, enfin Pixar, je sais plus, tu dois dire, abominable qui citait tout Disney. Ah putain oui, Wish, c'était affreux. C'était Pixar ou DreamWorks? C'était Disney. Ça c'était C'était le catastrophique. film des 100 ans de Disney, donc il C'était coûtait des hommages de partout. honteux, Ouais. c'était scandaleux. Et là par contre en plus c'était moche. Et là en Oui. plus c'était moche. Le même jour que Toy Story 5, nous aurons Jim Quinn de Marco Nguyen et Nicolas Attan, donc un film d'animation où un virus transforme les hommes gays en hétéros. Écoute, j'ai vu Lesbian Space Princess. Je veux plus de films d'animation LGBTQIA+. S'il Oui, vous plaît, faites-en plus. ça a l'air trop cool en plus. Vous L'animation, avez enfin. pensé quoi de la scène de la vie d'Adèle? Puis en plus, le style d'animation a l'air assez charmé pour le coup, donc franchement curieux. Et le même jour, on aura Sham de Takashi Miike. Takashi Miike, je prends. Voilà, Je alors, prends. qui jouera en avant-première dans beaucoup de cinémas parisiens ce 31 janvier. Nous vous invitons à aller le voir. Peut-être que nous vous ferons un retour, mais nous vous invitons à aller le voir en priorité. À noter également que sur Takashi Miike, je crois qu'on n'a jamais parlé d'un de ses films. Je crois pas, non. Il faudrait, mais Même dans c'est l'épisode Japon. scandaleux. Il faudra un Japon 2, ou peut-être même un épisode sur lui. Mais Ouais. Takashi Miike, qui même dans ses films les moins bons, a toujours, par principe, au moins une scène où tu te dis wow! Ok, je peux par exemple penser à un combat de coq, un peu filmé à la Matrix, dans un film qui, si vous savez, vous savez. Et puis ça reste aussi quand même quelqu'un qui a juste fait Dead or Alive 2 et Bird People in China, qui sont peut-être pas deux des films les plus poétiques que j'ai vus de ma vie, donc très sincèrement, j'attends son film. Parce que son dernier en plus en date, c'est First Love. Je sais pas. Alors, C'est toi le non, spécialiste de son Mickey dernier ici. arrivé en France, c'est First Love, ça sûr. Mais donc, entre-temps, il a dû faire quoi? 35 films? Minimum. C'est dur de tenir, c'est dur d'être fan de Mickey, c'est dur. J'ai voulu tout voir, mais c'est, il y a des moments, ça faut lâcher. T'avais pas DM, c'est fac. J'avais DM des trucs pour retrouver des vieux films et ça avait pas fonctionné. Allez. On dirait moi qui DM l'université de Pittsburgh pour avoir en clean merde, le Jacaranda Joe de George Romero. Et tu l'enfilais? Non, mais du coup, Non. non, mais un mec avait screen son écran pendant la projection sur Zoom du film. être cinéphile, c'est savoir faire des efforts. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui en parle. Allez, Et ouais, oui, allez la voir. effectivement, effectivement, effectivement. La semaine d'après, le 24 juin, on finit ce mois de juin avec Noise de Soo Jin Kim. Ok, j'avoue, j'ai pas du tout d'infos sur celui-là. Film d'horreur, donc moi ça m'intrigue. Et enfin, Supergirl de Craig Gillespie. Oui, donc la suite du Superman de James Gunn que toi t'avais Oui. beaucoup aimé. Oui. Moi j'avais trouvé ça sympa sans être transcendé. Mais dans Supergirl, il y a Lobo. Et ça m'intéresse beaucoup. Et en plus, Superlo, là, il y a Crypto qui sera là. Et ça adapte en plus le comics Woman of Tomorrow. Ouais. Donc j'ai beaucoup. Tu vois quel comics c'est? Tu m'en as parlé, ouais. Un comics donc qui. Pour faire court, Supergirl est traumatisée par la destruction de Krypton parce que là où Superman a pu être envoyé sur Terre, n'a pas assisté à ça. Et surtout, Supergirl, elle l'a t'es vu. nourrisson, accessoirement. Voilà. Et donc Supergirl, bah, plus ou moins dépressive. Alors je synthétise énormément le comics, hein, évidemment, ne tombez pas dessus si j'oublie des détails. Mais donc elle est traumatisée et par exemple va de planète en planète pour avoir des planètes avec des soleils rouges, donc qui lui retire ses pouvoirs pour pouvoir boire et oublier. Voilà, ça, voilà. Et je vous fais évidemment confiance à James Gunn pour savoir jouer avec ces choses-là. En tout cas, j'espère. Et on reparlera du nouvel univers DC un peu plus tard dans la vidéo, mais nous ne vous en disons pas plus Bien pour sûr. l'instant. Le mois de juillet, pour lui, va être marqué par beaucoup de grosses productions, puisque le mois va commencer le 1er juillet avec Les Mignons 3 de Pierre Coffin. Oui, moi j'avais beaucoup aimé Les Mignons 2, avec enfin beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé la fin des Mignons J'avais 2. trouvé ça super mid, je t'avoue, comme Mais film. Hein. même avec les super mignons, les super pouvoirs. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quelques trucs sympas après. Sur le net, les mignons, ça a toujours été des sous-moi moches et méchants, notamment du sous-moi moches et méchants 2. Oui. Donc je. Voilà. Mais je sais pas, moi je. C'est suffisamment simple et bête pour que ça me fasse rire. Donc il y a quelques sourires qui peuvent être décochés. Ok, la semaine d'après, Dans les le 8. mignons 2, il y avait une scène de danse sur du Dragon Force. C'était trop bien. Il y a une scène que je retiens dans le 2 parce qu'elle m'avait fait pas mal rire. Et surtout, les mêmes qui ont été faits après parce que la scène a beaucoup tourné, c'est quand ils se font entraîner pour réussir à casser des planches Et qu'il avec leur utilise la tête tête. de son pote C'est pour. ça. Voilà. Il y a toujours au moins un ou deux trucs. C'est dur de pas vraiment. Au moins avoir un sourire devant les mignons. Oui. Le 8 juillet, Vaiana, la légende du bout du monde, le live action de Thomas Cale. On se fera un plaisir de pas aller le voir Parce parce que je boycotte les remakes live action Disney. que voir alors déjà des remakes qui embauchent des sionistes, n'est-ce pas? Ça c'est non. Mais surtout. Coucou Blanche-Neige. Comment? Coucou Blanche-Neige. Voilà. Mais surtout, le principe de prendre un film, d'en faire une copie conforme. Bah, autant revoir l'original, C'est ça, tout puis simplement. surtout avec The Rock à la prod derrière. Ouf, oula. Non mais c'est pour moi l'exemple le plus absolu de ça va être La Belle et la Bête, qui était, je trouve, un des films les plus vides que j'ai jamais vu. Ouais. Et on peut dire, ah, mais il y a un artisanat dans la robe. Oui, il y a un artisanat, effectivement, du live action, mais pourquoi, in fine, ça dit quoi, à part une espèce d'auto-cannibalisme de. On va tellement gober, on va tellement resservir nos références qu'on va jusqu'à les copier parfois au plan près. Faut voir Dragon pour le croire quand même. Hein. Ça, je me suis préservé de le voir. On C'est m'a dit, catastrophique. ouais, Dragon, on me l'a vendu en disant, Ouais, ouais, non. mais. C'est pas honteux. Mais parce qu'il copie l'original! Ça. En fait, Dragon me l'a vendu en me disant, mais tu devrais y aller, c'est beau, et puis c'est des vrais gens. Je dis, oui, mais si c'est des vrais dragons. Non, mais du coup, pourquoi j'irais le voir? Non mais c'est surtout, il dit ah la musique est belle, oui mais celle de l'original lui met un boulevard, le film est beau, ah bah revoyez l'original, c'est peut-être l'une des plus belles trilogies de films d'animation qui a été faite aux États-Unis. En partant de ça, à quoi bon, c'est quoi la finalité, à part juste se rengorger, de se dire ah là là, qu'est-ce que c'était bien, ça m'a rappelé l'original, bah va voir l'original et arrête. Et surtout qu'en plus Vaiana, que j'ai enfin vu depuis il y a quelque temps, c'est quand même vraiment vachement bien. Oui. Diana, c'est trop bien, la fin est trop bien. Alors, je suis pas trop fan de toutes les musiques, mais là, la VF est trop bien, la VO est trop bien aussi. Donc, littéralement, pourquoi vouloir faire, enfin, je sais pas, si, enfin, si, pour que The Rock se fasse mousser et un nouveau film qui a 1 milliard de dollars au box-office, et ça s'arrête là. Mais Honnêtement, je pense même pas qu'il aura le milliard. ah, je sais pas, parce que ça, déjà, il y a le capital de The Rock. Vaiana, c'était quand même, Vaiana avait tapé, le 2 avait tapé le milliard, Oui. deux avait tapé le milliard. Et Et putain, surtout, c'est vrai que le Lilo et Stitch a tapé le milliard voilà, aussi. et surtout, les, ouais, les qui a vu Lilo et Stitch s'est dit, oh, Quel classique, là. Et enfin, Vaiana, c'est quand même. Enfin, je suis sûr qu'ils vont mettre en avant le côté ah, culture locale et tout ça, alors que, bon, je serais curieux de voir quand même. Mais c'est. Je pense que peu de gens sont au fait de que la finalité d'aller voir ces remakes-là, c'est juste encourager à te resservir la soupe. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 3 ans, on aura le remake du remake live de La Belle et la Bête? Ou alors une autre idée, on fait le remake live en animation. Non mais c'est. Je trouve ça dégueulasse. C'est peut-être l'un des courants hollywoodiens récents que je trouve les plus à gerber. Et surtout, il n'y a pas un seul film qui est bon, qui est sorti de ça. On peut arguer que certains films comme Cruella ou Maléfique ont des takes à peu près originales sur le sujet, pourquoi pas. Mais je sais pas. Surtout Cruella, enfin Maléfique, je trouve assez plat pour le coup. Non mais au moins ils tentent quelque chose, c'est ça. Oui. Mais ça, peut-être que Cruella est celui qui surnage le plus, mais. C'est-à-dire, le Roi Parce qu'il y a Lion. Gillespie à la réal aussi. Voilà. Mais le Roi Lion. Le Blanche-Neige, le Lilo et Stitch, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but de ça? Quelqu'un va Le vraiment voir. Pinocchio, putain, le Pinocchio! Oh mon Dieu! Et pas le Del Toro, l'autre! Ouais. Ah, il est terrible! Il a raté Tom Hanks en vieux monsieur! Mais c'est. En fait, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but de ça? Sans déconner, je serais ravi que. Enfin, si jamais parmi vous, certains ont aimé ces films-là, s'il vous plaît, dites-nous pourquoi, parce que. Surtout, c'est des films qui, pour la plupart, ne comprennent même pas la magie de l'original. Putain, Le Roi Lion a fait L'amour brille sous les étoiles à 14 h. Je veux dire, c'est quoi Can ça? you feel the love Tonight! C'est dans le titre! Non, non, c'est dégueulasse, c'est scandaleux. Enfin bref. Oui, mais dans la vraie vie, la nuit et dans la savane, on voit rien. Mais fais pas un film photoréaliste sur le Roi Lion! C'est ça, mais bref. On boycotte, là pour le coup, par pur principe, parce que. Hollywood va pas bien, on le sait, il y a nombre d'articles qui en parlent, donc il y a un moment, il faut aussi qu'à notre échelle, on envoie le bon signal, et je pense pas que le bon signal, ce soit de dire refaites comme avant. C'est ça, bah. Et preuve en est, quand il y a des putains de films comme à tout hasard Sinners qui sort l'année dernière, qui est trop bien, qui. Ah putain, bref, ça m'énerve beaucoup, ça m'énerve vraiment beaucoup, et de me dire que hey, Lilo et Stitch a tapé le milliard. Ok, tu te rappelles de quelle scène de Lilo et Stitch? Que dalle, merci, au revoir. Alors que Sinners, tu te rappelles de quelle scène? Bah Tout. tout, voilà. Bref, on est très très remonté, mais là-dessus, je pense, à raison. Oui, non mais surtout, enfin, on est responsable en tant que spectateur de l'état de l'industrie. C'est-à-dire que on a encouragé Disney. Alors, il y a aussi forcément toute une part. On n'est pas 100% responsable, mais on a une part de responsabilité non négligeable dans ce qui est amené. Pas dans la qualité, mais en tout cas dans le type de proposition. Il y a forcément une part d'instinct grégaire où les gens vont se dire que ils veulent voir déjà ce qu'ils connaissent et ils veulent surtout voir ce qu'on leur vend. Et si les gros studios, en l'occurrence Disney, mettent toute la com sur bah, Lilo et Stitch plus que sur Elio, typiquement Elio qui est un des plus gros box-office bombes de l'histoire, je crois que le. Il était bien? C'était sympa, c'était mignon pour le coup Elio, mais juste, il a coûté plus de 200 millions. Animation Pixar en même temps, ça coûte toujours cher. Et il a même pas rapporté son budget. Et pour le coup, en plus, autre chose qu'on peut amener sur ça, c'est qu'on peut nous dire que oui, mais derrière les films, il y a des gens talentueux. Et effectivement, je crois qu'il y avait Barry Sonnenfeld. Non, pas Barry Sonnenfeld, mon Dieu. Celui qui a fait Moonlight derrière Mufasa, là, Le Roi Lion 2. Oui, j'ai plus son nom. Celui qui a fait Moonlight. Tu vois, on peut me dire que oui, Thomas Kell, effectivement, Et c'est l'Emmanuel Miranda sur les voilà, chansons de la Mufasa d'ailleurs. musique, mais qui est aussi dans le remake, j'allais dire Moana, mais Vaiana. On peut me dire qu'effectivement, Thomas Cale, c'est celui qui a fait Hamilton, tout simplement. Oui. On peut me dire que Oscar Faora, qui a la photo, Ah, donc c'est pour ça qu'il est sur Vaiana, du coup, j'imagine, parce voilà. que le parti Emmanuel Miranda. On peut se dire que Oscar Faora, celui qui a fait la photo, bah, celui qui a fait la photo de Jurassic World 2, de l'orphelinat, c'est le chef-op De de Bayona. Bayona. Oui! Mais qu'est-ce que j'en ai à faire quand j'ai déjà vu ces images-là? À nouveau, je vais reprendre ma théorie. Non seulement l'histoire, je la connais, mais en plus de la connaître, je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue très littéralement. Donc, ça m'intéresse pas de retirer la magie de l'animation pour juste y planter un espèce de décor réaliste. J'ai plus envie de voir un gros monstre de feu en animation plutôt que de me dire, oh là là. Je me demande ce que ça donne en vrai. Bah dans ce cas-là, je relance Thor Ragnarok Et parce ça, que j'allais le dire, je oui. regarde la fin, c'est tout. Bref. Dans ces cas-là, je vais mettre la scène des mines de la Moria Voilà, c'est dans la ça. Bon, comédie de bref, l'anneau. on arrête là. Et peut-être que le film sera OK. Mais je refuse de croire qu'un remake plan par plan peut être OK sans par rapport à l'original. Je refuse de croire ça, c'est pas possible. Bref, on arrête sur ça. Nous, n'irons pas voir Vaiana. Et faites votre choix. Mais sachez que voir un film, à partir du moment où vous payez pour un film, y compris pour un film où le réalisateur derrière est un réalisateur ô combien problématique, vous engagez, en tout cas vous soutenez directement la proposition, que ce soit celle d'un réalisateur problématique ou celle d'un studio paresseux. Merci beaucoup. La morale était ô combien fascinante. J'ai improvisé. Ça se travaille, hein, ça se travaille. On va enchaîner avec des films qui sont nettement plus intéressants. Puisque le 15 juillet, nous aurons donc l'Odyssée de Christopher Nolan. Qu'est-ce que j'attends? Je suis pas le plus gros fan de Nolan, mais par contre, je suis un très gros fan de l'Odyssée. Donc, Oui. s'il te plaît, Nolan, fais Caribe des Scylla, s'il te plaît, je veux voir des monstres marins. Déjà, du peu de visuel qu'on a eu dans la bande-annonce, C'est exceptionnel. j'attends énormément déjà la scène de Polyphème. Ouais, mais non, mais ça va être. Et surtout, c'est Nolan à nouveau avec toute la Dream Team. Donc, il a. Alors, j'ai plus. Le nom. Oitevoin Oitema, je crois, à la photo, Ah, si je ne dis peut-être. pas de bêtises. À la musique, ça va sûrement être Hans Zimmer. Le casting est barge. Les costumes, ils sont pas réalistes. Je m'en bats les couilles. Est-ce que dans la réalité, il y avait des cyclopes? Non. Donc, à partir de là, à partir où on peut s'arrêter dans ce débat-là, vraiment, je suis à nouveau. Pas le plus gros fan de Nolan, mais ça reste quand même un réalisateur important. Et surtout, réalisateur qui a juste fait peut-être le meilleur film de super-héros jamais fait. The Dark Knight, en tout cas, Oui. un des meilleurs. Ça reste. Je sais que j'avais plutôt beaucoup aimé Oppenheimer, à ma grande surprise, parce que j'y allais un peu entrer dans les. Je l'ai trouvé trop verbeux, enfin je l'ai trouvé bon mais juste trop verbeux quoi. Par contre, j'avais détesté Tenet. J'avais vraiment, vraiment haï Tenet comme rarement. Donc, j'ose espérer qu'avec une histoire comme l'Odyssée, qui est peut-être plus narrative et plus Spectaculaire. spectaculaire, effectivement, merci, je cherchais, cherchais mes mots, ça peut être intéressant. Mon seul petit regret, c'est que Nolan, on l'oublie, mais ça reste quand même quelqu'un qui, dans son début de carrière, a été énormément, j'allais dire assisté, en tout cas soutenu par son frère, Jonathan Nolan, Jonathan, ouais. qui est un immense scénariste, vraiment, qui a créé Westworld, qui est, je pense, une des meilleures séries, qui s'est finie trop tôt, malheureusement. Et Christopher Nolan, scénariste, évidemment, ça reste quelqu'un d'éminemment talentueux, mais je trouve qu'il a beaucoup moins d'émotion que Jonathan Nolan, qui, si je ne dis pas de bêtises, Jonathan Nolan avait participé à écrire. Je crois tous ces films jusqu'à Rises. Allez voir le travail de Jonathan Nolan, c'est généralement très intéressant. Et même son dernier film, La Réminiscence avec Hugh Jackman, c'était pas mal. Ok. 22 juillet, Evil Dead Burn de Sébastien Vanicek. La saga bénie, quelque part! Mais non, très certainement, bah, c'est une série qui a aucun mauvais film. Le premier est génial, le deuxième est un chef-d'œuvre, le troisième est un chef-d'œuvre, la série est exceptionnelle, le remake est un chef-d'œuvre, Evil Dead Rise. Même si ça peut se débattre que c'est le moins bon de la franchise, ça reste un excellent film d'horreur. Peut-être le plus sadique et malsain. De loin. Donc là, en plus, Sébastien Vitchek a dit qu'il voulait revenir à une notion de douleur. Ça, c'est bien. Ça reste c'est celui qui avait fait réaliser Vermine, qui était un des immenses coups de cœur en 2022-2023. 23 qui était dans le bilan qu'on avait mis dans notre top. Je crois qui avait fini top. Au moins top 20, si je ne dis pas de Ah non, bêtises. mais Top il est 10. dans le top 5, je pense, hein. Voilà. Qui était un film qui était très très bien réalisé, qui en plus était assez cruel sur plusieurs aspects, donc là pour le coup, et surtout qu'il a repris Flaubert au Il scénario. a repris le scénario, il a repris aussi la monteuse de Vermine. Il a pris Orelsan à la musique. Nous sachons, mais tout ça pour dire que Evil Dead Burns, c'est peut-être notre plus grosse attente horrifique de l'année. Pour moi, Donc oui. ouais, on y croit, On y croit. on y croit, s'il vous plaît. Allez Sébastien, ne déçois pas, nous croyons en toi. 29 juillet, Spider-Man Brand New Day de Destin Daniel Cretton. Donc celui qui avait réalisé Shang-Chi, Oui. grosse flemme, énorme flemme. J'aime pas le Spider-Man du MCU, ça me parle pas, perso j'avoue, pas très intéressé. Perso, je reste curieux, je me dis, un Spider-Man post No Way Home qui repart de zéro avec justement Cretton à la réal, pourquoi pas? Sadie Sink annoncé au casting, potentiellement En en fille du Punisher, c'est confirmé. Philip Punisher? Ouais. Ouh, ok. En tout cas, alors, confirmé, c'est les infos que j'ai vues. Maintenant, à nouveau, je sais que Marvel, il y a 3000 rumeurs qui sortent par jour, donc à voir. Mais effectivement, moi j'avais vu la fille du Punisher. Et il y aura le Punisher dedans d'ailleurs. Ok. Si je ne me trompe pas. Donc celui de Vantal? Celui de Bernthal, ouais. Ok. Mais ouais, moi perso, en fait, ce qui m'empêche d'attendre, c'est que déjà, même si ça fait quand même quelques temps que j'ai. Enfin, le MCU où j'arrive, ça fait quand même quelques temps que j'ai lâché, c'est-à-dire je regarde plus les séries. C'est pas que j'ai plus envie de m'intéresser, mais un peu quand même, dans le sens où. Bah, ils sont tellement foutus de notre gueule, hein, on peut être honnête, je veux Oui. dire, à nouveau, Ant-Man 3, faut le voir pour le croire. Que je me suis dit, bah c'est bon, j'arrête, je rattrape plus tard, je fais mes trucs, mais j'ai plus cette flamme parce qu'ils ne savent plus me la donner, et je pense qu'eux-mêmes en ont conscience, en témoignent, parce que bah, déjà ce que tu avais dit sur bande de ciné aussi, mais que leurs trailers pour Doomsday sont finalement. Ne sont plus des trailers, mais des retours au passé. De dire, bah regarde, il y a un tel que tu connais, t'as C'est plus ça, besoin. et même en témoignent justement les annonces qu'on a eues pour les 4 différents teasers Oui, qu'on a eu c'était pour Doomsday. les non-dégâts. Non, non, alors on a eu le truc des chaises là, Non, ça c'était nul, ça me mais chaque semaine, alors c'était exclusif aux séances de Avatar 3, mais chaque semaine en fait un nouveau teaser d'Avengers Doomsday était diffusé avant Avatar, donc le premier teaser annonçait le retour de Captain America. En plus, le teaser est nul, on dirait une pub pour Oui. moto. Le deuxième, alors je confonds l'ordre des deuxième et troisième. Il y en avait un, le deuxième qui annonçait Thor, je crois. Sur les X-Men et un sur les 4 Fantastiques. Quatre Fantastiques et le Wakanda. Et Wakanda, donc. Mais Donc, surtout, on savait déjà tout ça! c'est ça, mais ça ne nous montre plus qu'une chose. Marvel ne nous tease pas un film, il nous tease un catalogue. Ouais, donc juste la flemme. Et... Donc c'est pour ça que Spider-Man Brand New Day, moi perso, pff, okay. À quoi bon? À quoi bon? À À quoi bon? quoi bon? Après, je pense qu'il fera milliard, hein, donc Oui. ça reste Spider-Man. Et malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas, mais ah, non, si quand même, beaucoup de gens croient à Marvel encore, donc bon, que pouvons-nous y faire? Après, c'est vrai que bon, pour la décharge de Daniel Destin Creton, Shang-Chi, c'était pas honteux, En termes de c'était pas mise en scène, bien, c'était je pas. trouve ça loin d'honteux même. En fait, je trouvais ça trop cité, trop dans la citation, de dire ah, t'as vu ça? Oui, j'ai vu le marin des mers de Chine, oui. Oui, j'ai vu. Moi ça m'énerve un peu. Après bon, il y avait Tony Leung, Tony Leung, oui. j'étais content. J'étais content. Et puis j'aime bien Simu Liu, Oui, il a une bonne tête. Même j'aime Awkwafina est pas désagréable dans le bien. Qui film. ça? Bah du coup, c'est le qui joue la pote Oh, de j'avoue. Shang-Chi. Oh, j'avoue que c'est. Moi, en fait, le film, je me rappelle uniquement de la scène sur les échafaudages. Ouais, à Macao, ouais, la scène du bus. Ouais, bah ouais. Ah si, oui, la scène du bus éventuellement, ouais. Avec Oui, non, j'ai cru que c'était un gars. Et même la scène du combat final en parallèle entre les deux dragons et Chang-Chi et son père. Ouah, oula, Ah non, oula, les dragons, tu m'as d'accord. rappelé des mauvais souvenirs là. Oula, Ok, non, oula, les dragons sont un peu cracra, mais oui, le début de la chute. Oui. Bah après on verra. De toute façon, il y a Doomsday qui arrive, donc tu vas en parler, j'imagine. Eh bien, évidemment, évidemment, ce sera pour le mois de décembre. Et on finit donc le mois de juillet, donc le même jour que Spider-Man, on aura Gorgona de Evie Kalogopoulou. Tu l'avais Que vu. j'avais vu à l'étrange, que Ouais. j'avais beaucoup aimé, ce film qui me rappelait un peu une certaine forme de Greg Araki. Bah vraiment, vraiment bonne surprise. Bah, très bon, enfin, bonne surprise de mon côté. Curieux de le revoir quand même, voir si l'appréciation reste au même niveau, parce que je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Mais content qu'il sorte en France. Content, vraiment content que ce genre de proposition puisse arriver chez nous. Bah content aussi, comme ça je pourrais le rattraper. Le 8 août, donc on passe au mois d'août, on aura Shiver de Tommy Wirkola. Ah, donc Tommy Wirkola, celui qui a fait Death Snow. Death Snow, Violent Night. Violent Night 2 sort cette année ou l'année prochaine? J'en parle. Ah, il fait deux, ok. Je vais en Alors, parler. Shiva, on a des infos sur ça? Un peu de viande, peut-être? En tout cas là j'en ai pas. Peut-être qu'il y en a, ça se vérifie. Bah écoute, parce que pour le coup, effectivement, Tommy Wirkola, alors, je crois qu'on n'a jamais parlé de lui. Si, il y aurait de l'avant. Calendrier de l'avant, effectivement, on avait évoqué Violent Night. Moi, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. Enfin, j'ai pas d'hostilité. Pas Oui, d'hostilité non plus. contre lui. Mais curieux de voir ce que ça peut donner. D'autant plus qu'il avait réalisé Violent Night et les deux Death Snow, qui sont des excellents films. Mais dernièrement, il avait réalisé Spermageddon. Ah, c'est lui! Ah ouais, qui n'était pas un film de très bon goût, mais qui était marrant. Mais c'est aussi spécialisé dans une catégorie de films assez précise, qui est le putain, qu'est-ce qui se passe? Avec, je sais pas, à tout hasard, Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Ouh, qui était très cool. Avec, moi j'aime beaucoup, mais Oui. peut-être pour les mêmes raisons que Van Helsing, donc à vous de voir si c'est bien ou pas. Avec Gemma Arterton, bien sûr. Oui. Et Famke Janssen, je crois, qui jouait méchante. Il y a moyen. Je crois que c'est elle, c'est la pauvre Famke Janssen. Le 12 août, on aura Flower Vale Street, pardon. Certains enchaînements de syllabes en anglais sont C'est pas évidents. compliqué. De David Robert Mitchell. Oui, donc le réalisateur émérite de It Follows et de Under the Silver Lake, Voilà. donc, qui avait fait un troisième, je crois, mais c'est les deux principaux, et qui est un réalisateur qui est, je trouve, passionnant. Moi, j'adore ces deux films-là, Ouais. surtout Silver Lake d'ailleurs. Oui, moi aussi. Et Et il y a They Follow qui arrive bientôt aussi. Ouais. Là, pour le coup, on n'a pas de date pour The Follow. J'ai vu passer 2027, mais Ok. bah, on parle d'un gars qui a fait deux films en 15 ans, quoi, donc bon, enfin, pas trois peut-être, mais en tout cas, ces deux films-là, parce que c'est Under Silver Lake 2018, 2018, ouais. je crois, donc ouh, on a le temps de voir venir. Et donc, Flower Vale Street, film de SF avec Anne Hathaway et Ewan McGregor. À noter d'ailleurs sur Flower Vale Street qu'à la photo, c'est quand même quelqu'un qui fait des très beaux films, c'est Mike Gyulakis, donc déjà qui avait fait ses deux précédents films, mais qui a aussi juste fait Us, Glass ou Split. Donc ça va, il sait faire de la belle image. Ça va, ça va, ça va. 19 août, donc je disais, le film n'a pas encore de titre, mais c'est le prochain Insidious, Sony Blumhouse, Qui réalise? de Jacob Chase. On sait qui c'est ce type? Je sais pas là. C'est. En fait. J'ai vu passer le titre The Bleeding World. Mais ah, c'est lui qui a fait Complay en 2020. C'est lui qui avait fait Complay. Ah, que j'ai pas Qui vu. était pas mal, qui était pas mal. Mais bah, Insidious, premier film trop bien. Deuxième film un peu nawak, mais toujours très solide. Ouais. Troisième film, ça commence doucement à se casser la gueule. Quatrième film avec un monstre cool, mais le film est nul, désolé. Et cinquième film, il y a du Ghost en bande son, je suis content. Mais c'était pas dingue. Hein, bah, tu sens que Patrick Wilson a bien étudié son manuel de James Wan Jr. Comme mais... beaucoup de monde, mais tu sens oui. que comme tous les élèves de la classe de James Wan, bah, il faut être James Wan en fait. C'est donc, ça. Moi, j'ai juste envie qu'ils me remettent un bon groupe à la fin, quoi. Et on va finir ce mois d'août avec enfin la sortie, ce 26 août, de Coyote versus Acme. Qui, ouais, alors, il faudrait lui dédier une capsule ou un truc comme ça, parce qu'il y a une histoire sur ce film. Ouais. Fait, puis abandonné, puis bataille d'enchères, puis redroppé, puis récupéré par un truc indépendant. Ouais, c'est... En fait, le film, l'histoire du film sera au moins aussi passionnante que le film lui-même, quoi. C'est... voire plus. Donc, ouais, content qu'il sorte enfin, mais il faudrait qu'on voit pour lui faire une capsule ou un format pour juste expliquer qu'est-ce que c'est que ce truc. Il faudrait accessoirement qu'on crée un carré VIP en enfer pour David Zaslav. Comment ? Faudrait qu'on crée un carré VIP en enfer pour David Zaslav. On le met à côté de Weinstein, ils vont bien s'entendre, les gars. C'est ça. On entame le David dernier. David Zaslav, qui est, présent le patron de. De DC depuis. De Warner, pardon. De Warner, ouais. Depuis le rachat de Warner par Discovery. Globalement, toutes les conneries que fait Warner, bah c'est lui. Et le fait que Warner soit aussi. N'importe nawak c'est dans, ça. Dans sa ligne de production. Ça, genre au hasard, avoir annulé Bad Girl alors qu'il était fait à 90%, mais avoir Back to the Flash. Le film était fait, quoi. C'est mais avoir Back to the Flash. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bad Girl qui aurait dû être accessoirement aussi le retour de Brendan Fraser au cinéma. Bon, il l'a fait avec The Whale. Ouais, ça, au moins il est revenu quand même finalement, mais attends, on a failli ne pas l'avoir. Entamons le dernier tiers de l'année, parce qu'on est déjà à une heure d'épisode, mine de rien. Mm-hmm. Clayface de James Watkins. Let's go. James Watkins, donc réalisateur émérite de Eden Lake, qui s'attaque ici à l'horreur dans l'univers de James Gunn, de l'univers DC, avec, paraît-il, un côté très body horror, très rentre-dedans. Je prends. Flanagan au scénario. Oui, Flanagan au scénario, effectivement, et surtout ça va permettre de vérifier, entre guillemets, dans quelle mesure est-ce que James Gunn s'autorisera une certaine marge créative, thématique et en termes d'ambiance ? Parce que c'est là où le MCU s'est appliqué à avoir une charte esthétique et narrative qui sera toujours plus ou moins dans la même veine. Est-ce que James Gunn va se permettre des petits écarts de jeu ? Il y a déjà un peu ça avec Peacemaker et Superman. Est-ce que ça va se confirmer ? J'espère, parce que là, pour le coup, ça va vraiment être le grand bras. Bah, de ce que Gunn avait déclaré, il avait dit que 6 films communs il devait y avoir, chaque film, en gros, aurait son identité, et ce serait au film commun de s'adapter ensuite pour mêler un peu tout ça. Ce serait pas au film solo de s'uniformiser... Préparer de s'uniformiser pour préparer le film commun. Bah écoute, j'espère. En plus, James Watkins, son dernier fait d'armes, c'était Speak No Evil, le remake, qui était pas dingue, pas vu, mais Eden Lake. Eden Lake. Et la Dame en Or aussi. Et la Dame en Or, oui. Le premier Dame en Or. 16 septembre, Resident Evil de Zack Cryer. Je maintiens qu'adapter Resident Evil est une idée de merde, mais Zack Cryer a prouvé à deux reprises que c'était quand même quelqu'un d'assez talentueux, voire de vraiment très talentueux. Oui. Donc, ouais, très curieux, parce qu'en plus, j'aime vraiment beaucoup Resident Evil, mais pour moi, c'est pas possible de l'adapter, dans le sens où... en fait, la série elle-même, enfin, les jeux en eux-mêmes, c'est de la connerie, dans le sens où tu joues pour le gameplay. Personne n'a jamais dit je joue à Resident Evil pour l'histoire. Donc bon courage. Surtout quand le meilleur concurrent en liste, c'est Project Wolf Hunting, donc hey. Le même jour, on aura Practical Magic 2, donc de Susan Beer, avec Nicole Kidman, Sandra Bullock et Joey King, donc qui est donc la suite de Practical Magic, donc les ensorceleuses sorties en 98. J'ai pas vu celui-là. Mais le casting a l'air sympa. Mm. 23 septembre, Le Fantôme de l'Opéra de Alexandre Castagnetti avec Deva Cassel et Romain Duris. Alors, le casting n'a... aucun sens. En plus, ils ont pas genre 20 ans d'écart. Ah, mais même plus. Donc, après, surtout le fantôme de l'opéra, moi j'attends encore une très bonne adaptation. J'aime bien la musique de celui d'Andrew Lloyd Webber. Mais. Andrew Lloyd Webber, c'est le compositeur. C'est Joel Schumacher qui réalisait, pardon. Mm. Mais. Techniquement, le meilleur qu'on ait, c'est Phantom of the Paradise. Ouais, mais c'est pas officiel. C'est pas officiel. Parce que j'allais dire, le meilleur qu'on ait, moi j'aime bien l'Argento, mais peut-être pour les mauvaises raisons. Non, mais pourquoi pas. Et puis surtout, si jamais. Il peut s'être inspiré des bons films épiques français qu'on a eu dernièrement, donc Le Comte de Monte Cristo au Palais Mousquetaire. Bah ça peut, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de cette histoire qui est, je pense, l'une des plus belles histoires qu'on ait dans notre patrimoine français. Et sur Gaston Leroux. Exactement. Et on finit le mois de septembre avec Kraken de Mohamed Chaban et Théo Jourdain. Le film avec Gazo. Exactement. Film d'horreur avec Gazo. Gazo, t'es bien Gazo toi. Moi je suis un quebé, c'est-à-dire que tu vois. Lourinox. Partagé. Non mais on a tous bien aimé Gazo. On va pas s'étaler musicalement sur lui, mais C'est il y ça, aurait et des après choses on à a dire. écouté Apocalypse. Voilà, on va juste vous dire qu'on avait fait un bingo en écoutant Apocalypse et que c'était peut-être un de nos plus gros fous rires d'écoute. Mais après, hey, il a une vraie présence sur scène, donc peut-être qu'il peut retranscrire Et une ça. vraie présence vocale aussi, Ouais, c'est ça, accessoirement. bah, il est peut-être l'une des plus belles voix actuellement de la chanson française, et j'ai bien dit ce que j'ai dit. Donc, plus qu'à voir. Même si Kraken, je le place rapidement, parce qu'après, il y a quelques films que j'ai mis où on n'a pas de date, et c'est des films généralement asiatiques ou autres. Il y a un autre film qui s'appelle Kraken, qui est suédois, je crois, qui arrive bientôt. Il est déjà sorti. Alors, suédois ou norvégien, je ne Russe? sais. Non, non, non, Ah, non, pas ok. russe. Suédois ou norvégien. Il est sorti vraiment la fin d'année dernière, Ok. sur un Kraken dans un lac. Si, comme moi, vous aimez les bestioles sous-marines, foncez, foncez, foncez. Surveillez ça, il n'y a plus qu'à espérer que ça. La bande-annonce vend du rêve. Il n'y a plus qu'à espérer que ça sorte en France ou sur plateforme, peut-être. Espérons, espérons. Passons au mois d'octobre, le mois d'Halloween. Et avec étonnamment peu de films d'horreur qui sortent à ce Bah, moment-là. j'ai l'impression que ça va faire comme 2025 où il y a plutôt un Summer of Fear plutôt qu'un Spooktober. Ouais. Parce qu'on ouvre ce mois d'octobre, donc le 14 octobre, avec Street Fighter de Kitao Sakurai. Les affiches, c'est un cauchemar à part Ouais, c'est entière. affreux. C'est affreux, sa mère. Bah, pareil, adapter Street Fighter, c'est comme vouloir adapter Resident Evil. Courage. Tu peux reprendre les personnages, mais alors bon courage à côté, quoi. Non, ça, les affiches, allez les voir. 50 Cent particulièrement, il est affreux. On dirait vraiment de l'IA. Oui, c'est ça. Donc, bref, perso, je le vois venir comme un train qui fonce dans un mur. Mais le même jour, pour se consoler, on aura Other Mommy de Rob Savage. Ah, ça y est, il ressort un film? Oui, alors, donc, sur une famille prise en chasse par une entité qui s'appelle l'autre maman, l'autre mère, S.O. Coraline, évidemment. Mais c'est son dernier film, quoi. C'est ça. Bah, Rob Savage, alors, on avait tous les deux adoré Host. Host, Bah, oui. film qui fait moins d'une heure, d'ailleurs, qui est mais Ouais. très efficace. On avait bien aimé Ouais, Dashcam. Dashcam, en fait, l'idée... Il est plus intéressant par son dispositif de mise en scène que par ce qu'il raconte. Oui. Mais on Mais prend croque-mitaine, quoi. Croque-Mitaine, c'est qui était... C'était pas catastrophique. C'était vraiment un échec parce que venant de quelqu'un qui était quand même spécialisé dans l'idée d'avoir des dispositifs de mise en scène qui, certes, parfois n'étaient que du dispositif, mais qui avait réussi à en tirer quelque chose d'autre, à en tirer vraiment quelque chose qui était assez efficace et qui pouvait même arriver à faire vraiment peur plusieurs fois. Bah là, j'ai l'impression, enfin, Boogeyman, c'était vraiment une espèce de renoncement où bah, ils s'enfermaient dans les trucs les plus codifiés qu'on ait pu voir. Donc, Ouais. on espère qu'il va se relever. Espérons, espérons. Le 21 octobre, on aura Remain de M. Night Shyamalan. On n'a jamais parlé de Shyamalan, Je crois pas, non. mais il y aurait des choses à dire. Il y Il y aurait des aurait. choses à dire. C'est ce que ses derniers films, c'était donc Old, qui était pas mal. Ouais, après il y a eu Trap. Non, et entre les deux, il y a Knock at the Knock at Cabin, Cabin. qui était. Qui était. Qui était. Et Trap, qui était trop bien dans son premier tiers. Jusqu'au moment où il se dit, hey, tu sais quoi? Bah, tout le concept mortel sur lequel je me suis basé, qui permet de challenger un peu la mise en scène, bah, on arrête. Voilà, j'ai pas compris la fin, mais on verra, on verra, on verra, on verra. Mais en fait, c'est quelqu'un que j'ai trop aimé pour le complètement le dropper. Mais on sait que il a plus autant le mojo qu'avant, quoi. Ouais. Ce sera toujours mieux que The Watchers. Le même jour, on aura Shaun le mouton, la bête d'Halloween de Steve Cox et Matthew Walker. C'est vraiment la bête avec Un bêlement? 3 ou 4 E circonflexes. Putain, 3 E circonflexes. je suis censé dire quoi, moi, par rapport à ça? Je sais pas, moi ça reste les studios Hardman, Ça donc. reste, c'est Hardman derrière, c'est Ouais, confirmé? ouais. Ah bah écoute, Hardman, meilleur film de Stuart Hardman, je suis tout seul à le penser, mais les pirates. Bon à rien, mauvais en tout. J'adore ce film. C'est cool, mais J'adore ce film. Et puis même les voilà, ces gromites. Oui, c'est ça. Voilà, ces gromites sur la lune, où la lune est en fromage. Oui. Classique! Ou même le mauvais pantalon avec. Enfin bref. Enfin, faudrait qu'on Le parle pingouin, de. Ouais, le pingouin, il met un gant MAPPA, et à un moment il le retire, et t'as genre c'est. Oh, it was you! Non, mais, vraiment. Il faudrait qu'on parle un jour des Stuart Hardman, parce C'est que vrai. c'est vraiment. C'est C'est vrai, c'est un des vrai. fleurons de l'animation, je trouve. Et c'est européen en plus, Et c'est Cocorico. européen, effectivement. Pas Cocorico du coup, mais Mais un peu quand même, un peu quand même. Et Superman qui ont causé d'ailleurs une pénurie de pâte à modeler en Grande-Bretagne. C'est pas étonnant parce que si vous voyez pas, c'est vraiment les films à la pâte à modeler faits à la main. C'est vraiment. C'est donc de la clay motion, donc la stop motion, vraiment pâte à modeler argile quoi. Et c'est magnifique. Surtout que la clay motion, on vous renvoie à l'épisode de l'étrange festival Playing God. Playing God qui était magnifique. Peut-être notre traumatisme de l'année dernière. Oui. Et on finit ce mois d'octobre avec Species de Marion Le Corollet. C'est un remake de La Mutante? Ben justement, je sais pas. Parce que les pitchs ont pas l'air de coller. Ok. Et alors, c'est un film de mutation. Donc pourquoi pas? Mais donc c'est avec Karine Viard, Kim Higelin. Kim Jong qui avait prouvé son envie d'aller vers le genre puisqu'elle était dans Le Règne Animal? Non. non Non, non. ce film de Abel Ferry Oui, 3. Track, je sais plus, le film sur les abattoirs. Gibier, Gibier, gibier, purée, j'avais mon Dieu. gibier. Elle était dans Gibier, effectivement, qui était une des chouettes surprises qu'on a vues à l'étrange festival. Oui, et qui a une sortie française ou pas encore? Je crois à une sortie française, Ah? normalement en 2026, un moment, mais ce n'est pas grave. Et donc, Kim Jin qui avait donc prouvé son envie d'aller vers le genre, et effectivement, Species. Alors, j'espère que c'est pas un remake de La Mutante, parce que s'il y a bien un film qui, je pense, ne peut pas avoir de remake, quoique, je retiens, je dis, il peut en avoir un, mais il faut un regard féminin dessus, c'est bien La Mutante, parce que putain, La Mutante, en termes de film légèrement miso, voire carrément miso, ça se pose là. Hein, ça se pose. Alors, moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, enfin, j'aime beaucoup les deux premiers. Je mets les deux premiers, après ça se casse la gueule. Pour un gars que ça se casse la gueule dès le 1, remarque. Mais ouais, j'aime beaucoup les deux premiers, mais c'est dans leur jus d'époque. C'est Oui, vraiment voilà. dans leur jus d'époque. Si vous l'avez pas vu, faut imaginer Alien qui rencontre Playboy. Hein. C'est vraiment ça. Alors, Gibier n'a pas de date encore annoncée officiellement. Des sources annoncent mars, Voilà. mais on verra. On verra, on verra. On verra. Évidemment, s'il sort, on vous en parlera, on fera une com. Et s'il vous plaît, allez le voir, c'est trop bien. Et on vous renvoie évidemment à Note l'épisode sur l'étrange sur l'étrange. festival. Mois de novembre, allez, on est On arrive. dans le dernier virage. Le chat chapeuté d'Alessandro Carloni et Erika Rivinoggia. Le chat chapeauté, la suite du chapeauté? Non, le chat chapeauté adapté de Dr. Seuss, le même conte qui avait eu une adaptation avec Mike Myers. Wow! Wow! Rock'n'roll! Oui. Bon, Oui. écoute, Alors. faut pas dire Mike Myers trop de fois, on l'a déjà dit deux fois, si on le dit une troisième fois, il peut apparaître. Je crois que c'est Illumination derrière, d'ailleurs. Non, pardon, my bad, c'est Warner Bros. Le chat chapeauté. D'accord. Warner Animation qui était entre autres derrière, au hasard. Je sais pas, le géant de fer. Oui, bon, ça va. Ils sont pas mauvais. Le meilleur film avec Vin Diesel. Oui. Ce 11 novembre, alors on aura deux films dont les attentes sont compliquées, puisqu'il y a Ebenezer de Ty West avec Johnny Depp dans le rôle de Scrooge. Alors bon, on sait que Johnny Depp, il a ce qu'il a derrière. Voilà. Voilà. Après, bon, Ty West, on a des points de vue différents sur Ty West aussi. Toi, tu l'aimes beaucoup plus que moi. Oui, je l'adore pas, mais je sais que toi En tu. fait, non, je le déteste pas. Mais je suis jamais à fond dans ses films. Ouais. Pour donner une idée, moi, je pense que son meilleur film, ça doit se taper entre. Genre, j'aime beaucoup X, mais. Ouais, pour moi, dans le top 4, il y a peut-être Cabin Fever 2, quoi, donc. Mais c'est. En fait, après, je peux pas lui enlever quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui a une vraie patte, une vraie personnalité, et qui a des références que j'apprécie. Donc, je serais curieux maintenant. On va voir, on verra. À voir ce qu'il fera sur un Scrooge du coup, mais le Ouais, film ça, sort. ouais, c'est ça. C'est plus le côté Scrooge qui m'intrigue, parce que pour le coup, ça l'éloigne quand même drastiquement de l'horreur. On pourrait arguer que Scrooge a des passages de. Mais par rapport à ce qu'il avait fait avant, j'entends. Surtout que son dernier film en date, c'était Maxine. Maxine, ouais. Donc effectivement, on va voir. On va voir, on va voir. Déjà, il n'a pas Mimi Hagot dans le film. Alors après, on sait pas, peut-être qu'elle est au détour du casting, Peut-être. mais bon, on verra. On verra, on verra. Et le même jour sort Kaamelott, deuxième volet, partie 2 d'Alexandre Astier. Alors, je fais court, promis. J'ai haï la partie 1. Toi, tu l'as beaucoup aimé, vas-y. Je suis très peu objectif, mais Non, mais bien sûr. pour des raisons pas du tout crédibles, donc juste on va passer à autre chose parce Non, non, mais que c'est tout à ton honneur. Et puis toi, je sais que tu restes particulièrement attaché à l'identité Kaamelott, à évidemment. ce sens du dialogue, à ce sens du montage, à ses envies un Même peu si pour le presque coup, baroque dans l'approche ouais, du film d'époque. le montage du film c'est peut-être une des pires choses qu'il y a dedans. Mais je veux dire, c'est que tu restes attaché à cette identité, et donc effectivement, c'est tout à ton honneur d'attendre cette partie 2 il y a un volume 3 derrière ou pas? Qui est prévu, Ok, mais qui mais déjà devrait conclure cet arc autour du oui, deuxième volume. oui. Enfin, ces arcs, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. 25 novembre, deux films de gros studios, puisqu'on a Hext, donc le prochain Disney, Allez. avec Josie Trinidad et Jason Hand. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Pardon, donc, deux Josie Trinidad et Jason comme Hand. tout studio Disney, t'attends de voir les premières images avant de. Et les premières bandes-annonces et tout ça avant de te hype, quoi. Oui. Et enfin, Hunger Games, le lever de soleil sur la moisson de Francis Lawrence. Et bah curieusement, je l'attends un peu. Parce que c'est le film sur Image. Alors déjà, mais parce que j'avais étonnamment plutôt beaucoup apprécié le dernier. La balade du serpent et de l'osmo Et cœur, je l'ai voilà. pas vu. Bah écoute, alors moi, Hunger Games, j'aime pas trop la trilogie de base. Enfin, j'aime bien les livres, j'aime pas trop les films. Je trouve ça un peu limité, et surtout, bah, on l'a souvent dit, hein, mais il y a vraiment ce côté Battle Royale du pauvre, globalement. Mais j'avais étonnamment accroché à ce premier préquel qu'il y a eu, déjà parce que j'aimais beaucoup le casting. Il y avait Rachel Zegler qui, c'est peut-être le meilleur film qu'elle ait fait, je pense. Mais non, West Side Mais Story. ça serait, West oui. Side Story. Mais j'étais vraiment plutôt pris dedans. Le film, en plus, fait 2h40. Il est vraiment bien rythmé. Francis Lawrence, ça a jamais été. Pareil que Sean Levy, ça a jamais été un réalisateur exceptionnel, mais c'est quelqu'un qui sait rythmer ses films et c'est quelqu'un qui sait faire des films bien emballés. Et bah, c'était exactement ça. Donc, personnellement, plutôt curieux. Plutôt curieux, hein, surtout que. Paradoxalement, ce qui m'intéresse le plus dans Hunger Games, c'est non pas les Hunger Games en tant que tel, parce que, bah, nouveau Battle Royale, mais c'est ce qu'il y a autour. C'est l'univers qui développe autour, c'est la façon dont politiquement il s'inscrit par rapport à l'actualité, et comment est-ce qu'il fait des parallèles avec notre monde. Alors parfois c'est un peu lourd quand même, mais enfin un peu lourd dans le sens où c'est un peu évident. Mais je pense qu'il a. Je reste persuadé que dans ce domaine d'un peu. Bah, c'est un des derniers descendants du young adulte aussi. Dans ce domaine du young adulte où. On sait que plein de gens vont aller le voir, plein de gens vont peut-être être inspirés par ça, ou plein de gens vont être pris par ces univers-là. Je trouve ça bien de me dire que l'univers, en tout cas le plus gros univers de ce restant de cette catégorie-là, est très clair politiquement et n'hésite pas à être très pas très précis, mais si quand même, si étonnamment précis dans les mécaniques bah, du fascisme qu'il décrit, tout simplement. Ok, ouais, faut vraiment que je mate le dernier parce que tu me hype pas Ah, mais mal. il est vraiment bien, il est vraiment bien. Et je peux même te dire, moi c'est mon préféré de la date de la saga, Ok, de très loin. et ben on arrive sur le mois de décembre qui va s'ouvrir avec Astérix, le royaume de Nubie de Alexandre Eboyan, film d'animation. Eh, c'est pas encore le Jonathan Cohen, hein. Non. Jonathan Cohen qui s'est retrouvé réalisateur par accident. C'est. Ah, je savais pas, j'étais là. Bon, écoute, bah, animation, le problème c'est qu'il va passer après les deux Astier. C'est Et ça, bon courage. Astier et Clichy. Oui, bon, Faut bon, oui, bien sûr, faut créditer. c'est ça. Donc, bon courage. D'ailleurs, sachant que surtout le premier, donc Le Domaine des Dieux, était crédité comme un film réalisé par Louis Clichy, co-réalisé par Alexandre Astier. Et pour le coup, le Domaine des Dieux, je sais que je préférais le Domaine des Dieux au Secret de la Potion Magique, mais dans le Domaine des Dieux, il y avait plusieurs scènes que je trouvais dingues. Il y a la scène où Obélix imite Hulk sur le. Enfin, Oui. moi, j'ai vraiment beaucoup, Quand il beaucoup sort de rigolé. terre à la fin, Voilà. Et ouais. ça, et surtout, il va passer après cette catastrophe ambulante qu'était l'Empire du Milieu. Donc, Astérix au cinéma, ça, c'est pas que du positif, hein. Le combat de Tokusatsu à la fin de la potion magique. Oui, avec sur You Spin Me Round de Dead Oui. or Alive. Oui, ça c'était bien, ça c'était vraiment bien. Avec le méca Oui. là. Non, ça c'est trop cool. Ça c'est cool. Et qui sort le même jour que Violent Night 2 de Tommy Wiercola. Avec Daniel Melchior. Exactement. Voilà, on ne verra jamais assez Daniel Melchior. Si vous voyez pas qui c'est Ratcatcher 2 dans The Suicide Squad. Elle a été également dans Roadhouse, le remake par Doug Liman avec Jake Gyllenhaal qui est sorti sur Prime, avec également McGregor, je crois, Je sais mais pas, qui, j'ai si je pas dis vu. pas de bêtises, est quelqu'un de politiquement un peu douteux, je vérifierai ça. Ewan McGregor? Ouais? Non, pas Ewan McGregor, le boxeur. Ah oui. Conor McGregor, qui, Ok. si je dis pas de bêtises, il est un peu. Voilà. Et qu'on avait également vu dans Fast X, elle avait un tout petit rôle. Oui, et dans Anaconda. J'aime te rappeler des mauvais souvenirs. Oui, mais pour le coup, Violent Night 2, vraiment. Parce qu'en plus, Violent Night 1, le reproche que je lui avais fait, c'est qu'il était un peu. Il fallait tailler dans le gras, et à part la scène du patin à glace, je trouvais qu'il se retenait un peu. Là, je me dis, écoute, peut-être que ça va faire comme 6 ou 2. Le 1 a marché, maintenant on peut y aller vraiment, quoi. Parce qu'à nouveau. Tommy Wirkola, faut vraiment voir Death Snow 1 et 2 pour le croire. Hein. Death Snow 1 et 2, alors déjà Death Snow 1, c'est ultra gore, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et Death Snow 2, c'est quand même, à nouveau, le film où, pour lutter contre des zombies nazis, eh ben, on prend des zombies communistes. Voilà, c'est ces films-là, tonton Quentin. Red versus Dead. Exactement. C'était la tagline du film. Non, ça c'était le sous-titre et la tagline c'est The sequel You Did Not See Coming. Ouais, mais c'est ce Tommy Wirkola que je veux, moi. Et même le Tommy Wirkola de Hansel et Gretel, c'est complètement con. Mais cette connerie-là, moi, je prends. Eh ben, on parlait de l'Anaconda, restons sur Jack Black, puisque le 9 décembre sort Jumanji 3 de Jake Oh, ça Kasdan. va. Ça va, j'ai eu peur. J'ai cru que t'allais dire Minecraft 2. Non, Jumanji 3, ah, le premier était pas honteux, je trouvais. Non, c'est vrai. C'est le deuxième, par contre. J'ai aucun souvenir du 2. Bah, t'as une scène sympa, c'est la scène autour des ponts de cordes. Ok, ouais, le 2, je me rappelle que ça implique plus de persos, genre il y a les grands-pères, Ouais, le c'est machin. ça. Mais en fait, c'est pas horrible. Maintenant, effectivement, ça va pas plus loin. Ça va vraiment pas plus loin. Mais le 1 a quand même un gag que je trouve ultra drôle. C'est quand ils voient les qualités de leur personnage, Oui. regard perçant vers l'horizon, bam! Et là, il le fait. Et c'est peut-être l'un des films où Zorro que je trouve a un peu d'autodérision sur lui. Donc voilà, Oui. je prends. Je prends, je prends. Même si le 1 leur met évidemment. Enfin, l'original met évidemment un Oui. boulevard, pas de souci. Bah, qui est d'ailleurs canoniquement le 1 parce que dans le Oui, Jumanji, c'est évoqué. C'est évoqué visuellement parce que dans la cabane justement qu'a je sais plus quel personnage dans Jumanji, t'as écrit, enfin t'as gravé dans le bois Alan Parrish was here. Voilà, effectivement. Ou juste Effectivement, Alan Parrish effectivement. House, comme ça. Où tu comprends qu'en gros le gars a récupéré la cabane qu'avait construit donc le personnage de De Robin Robin Williams. Williams dans du coup diégétiquement dans Jumanji 1. Et dans Jumanji 2, d'ailleurs, il y a Nick Jonas. Il y a l'un des Jonas Brothers Ah putain oui c'est vrai. dedans, ouais, voilà. C'est celui qui était avec Priyanka Chopra ou avec Sophie Turner? C'est celui avec Priyanka Chopra. Du coup, avec Priyanka Chopra Jonas. Oui, Chopra Jonas, effectivement. Mais qui en plus revient en Inde, qui sera dans. Je l'ai vu passer, je sais plus dans quel gros film indien elle est qui sort, mais ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Parce que rappelons qu'elle était dans l'un des plus grands films de tous les temps, à savoir Ramlila. Bref. Avec une excellente Il musique. faut que je voie d'ailleurs vraiment Oui, Ramlila. oui. Mais on arrive sur les films indiens, il y en a quelques-uns en bas, t'inquiète. Le 16 décembre, donc peut-être la journée la plus chargée de cette année, on aura, alors on va commencer petit, Le Royaume des Mers de André Scanfer, donc film d'animation norvégien sur des monstres marins. Moi, les monstres marins, je prends. Je prends aussi. Dune, troisième partie de Denis Villeneuve. Let's go. Avengers Doomsday. Bah, let's go. Ça va être un événement. Donc, Oui! mais surtout Dune. Moi, c'est surtout le Dunesday. C'est surtout Oui, le Doomsday, ouais. celui-là que j'attends. Et on va finir avec deux films. Ce 23 décembre, on aura Angry Birds 3 de John Rice. La flemme. Hein. La Oui. flemme. Angry Birds, c'est mort depuis 10 ans. Ils essaient juste de le remonter. Non, c'est bon. C'est ça. Et enfin, 30 décembre, Werewolf de Robert Eggers. Peut-être ma deuxième plus grosse attente horrifique de l'année, parce que Nosferatu, j'avais bien aimé sans plus, mais je trouvais qu'il y avait plusieurs passages vraiment, vraiment très, très, très puissants. Et puis à nouveau, Robert Eggers, c'est quand même esthétiquement l'un des réalisateurs les plus imprenables Northman, actuels. quoi. Ouais, Northman, ça tombait par terre. Et surtout, ben, c'est vrai qu'on n'a jamais fait d'épisode Loup-Garou, mais ça serait intéressant, mais on en avait parlé sur Kurt. Les bons films de Loup-Garou, ça se compte vraiment sur le doigt d'une main. C'est-à-dire que t'as eu la triplée des années 80, Compagnie des loups, Hurlement et Louis Hollande. Loup-Garou blonde, ouais. Et après ça, force, hein, bon courage. Ouais. Et éventuellement Dog Soldiers, des trucs comme ça, mais ça reste quand même vraiment, vraiment compliqué. Donc là, Werewolf, je l'attends vraiment, vraiment, vraiment énormément. Surtout que le casting aussi est très sympa, parce que c'est quasiment le même casting que Nosferatu en plus. Ok. Ok, J'aime donc. beaucoup me dire que la muse de Robert Eggers, c'est quand même un mec de 70 piges. Oui, le deux Ok. Je sais pas s'il a 70 ans, mais il est entre 60 et 70 en tout cas. Et bah, du coup, et je vais rapidement évoquer les films que j'ai pu récupérer à droite à gauche qui vont sortir. Alors, il y a Haunted 3D Ghost of the Past, donc film d'horreur indie. J'ai pas les dates précises pour la simple et bonne raison que les dates d'arrivée en France, souvent pour les films indiens en tout cas, sauf sur les très très gros films, je pensais à Jam Nayan dernièrement, c'est généralement annoncé genre 2 ou 3 semaines avant, voire un mois avant. Donc il y a ça qui va sortir, qui est donc un film d'horreur, comme son nom l'indique, en 3D, qui est réalisé par Vikram Bhat. Alors Vikram Bhat, si vous voyez pas qui c'est celui qui a réalisé Divane Uye Pagal, celui qui a réalisé 1920 aussi, c'est vraiment... Raz aussi, Raz typiquement, qui était avec Bipasha Basu, je crois. Donc il y a ce film-là, il y a Bhoot Bangla, film indie avec Akshay Kumar, qui se passe dans l'univers de Bhool Bhulaiya. Alors Bhool Bhulaiya, c'est cet univers, cette espèce de comédie horrifique avec des fantômes. En Inde, il y a beaucoup plus de comédie horrifique que de films d'horreur pure, c'est peut-être ce qui leur manque. Donc Bhool Bhulaiya, notamment le troisième, ça avait été un énorme succès, même si le film est une purge. Et donc voilà, ils vont relancer ça avec Bhoot Bangla. Je vous invite à ne pas voir l'affiche qui est abominable. Il y a également Bedia 2. Alors Bedia 2, donc film indie réalisé par par Amar Kaushik, qui était le réalisateur de Stree. Alors Stree, j'en ai déjà très rapidement parlé à ce micro. C'est donc il y a Stree 1 et Stree 2. C'est un Ghostbusters en Inde, pardon, qui est vraiment, notamment Stree 2, c'est vraiment des très chouettes films. Et dans Stree 2, on voyait le personnage de Varun Dhawan qui était dans Bedia 1, qui était un film de loup-garou. Alors bon, le problème, c'est qu'on arrive au sujet. Alors, Roman, quel est le plus gros défaut des films indiens? Les effets Les visuels. effets visuels. Et bah, ils ont fait un loup-garou en 3D. Dans Bedia 1, c'était un peu dur. Et alors là, Bedia 2, j'ai vu quelques images. Bon, y a plus de thunes, mais ça, c'est pas encore ça. Mais, j'ai trop aimé Stree pour ne pas aller le voir quand même. Donc même pour des gigaprods genre RRR. Ah, et quoi, RR, ça va encore, mais ça bave un peu sur Bah, certains trucs. je pense notamment à la scène des animaux là, à la toute fin quand il fait Ouais, en fait, tomber. ouais, c'est ça. Bah, c'est qui est pas à la toute fin, qui est au deuxième tiers. Oui, pardon, oui. C'est un des 10 000 climax du film. Oui, mais oui, la scène du camtar d'animaux qui se Ouais, c'est renverse. bah, ça reste. Ça progresse à vue d'œil, soyons honnêtes. Hein. D'une année à l'autre, on voit que ça progresse. mais ça reste à nouveau, il y a encore un peu de retard à rattraper. Mais ça reste mieux que certains effets spéciaux actuels. Enfin, en tout cas, au cinéma américain, Qui j'entends. parle d'Ant-Man 3 Ouais. ici? Ensuite, Tumbad 2 par Adej Prasad, qui était déjà coréal et scénariste, je crois, oui, du 1. Donc Tumbad, qui est un film pour le coup d'horreur, qui avait vraiment eu un gros succès, et donc là, le 2 arrive cette année. Je crois que je l'avais téléchargé, il faudrait que je le voie Tumbad. Qui est excellent, excellent film. Night of Three Yasinan, film d'Indonésie sur film indonésien d'horreur sur une famille. J'ai vu passer des trucs qu'il compare à Hérédité, mais j'y crois peu, donc bref. On verra ce que ça donne. Alas Roban, Indonésie, film alors dont le poster est trop beau, qui est basé sur une route extrêmement connue. J'ai pas plus d'infos à nouveau, mais ça arrive aussi, même si ça a l'air assez gore. Ghost in the Cell, comédie horrifique par Joko Anwar, Oui. qui sort cette année. Joko Anwar qui sera d'ailleurs présent à Gérardmer, où il y aura une rétrospective autour de lui. On a déjà parlé de quelques-uns de ses films, notamment de Satan's Slave 2 De, dans notre top. dans le bilan 2023. Il faudrait qu'on fasse un épisode indonésien un jour. Housekeeper, film d'horreur indonésien également, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur lui. Senkolo, film d'horreur indonésien toujours, film de fantôme. Cette fois-ci, Hokum, le prochain film de Damien McCarthy. Donc celui qui avait fait Cave It et Auditi. Oddity, Oui. exactement. Et Ika, et alors là c'est pour toi, film indie, remake de Death Sentence. Avec Sonny Deol. Alors, Sonny Deol, bon, y aurait beaucoup à dire. Frère de Bobby Deol qui jouait le méchant dans Animal, c'est lui qui met Ok. son verre sur la tête. Et voilà. Voilà, Voilà. on a Ça, la musique. donc, ça, c'est Bobby Deol. Et donc, son frère va jouer dans Ika, qui est donc le remake indie de Death Sentence. Nous avons donc fini sur les attentes. Est-ce qu'on passerait pas au moment de s'amuser? On passe à... Amusons-nous, allez, c'est la cour de C'est récré. la cour de récré. Alors. On a fait plusieurs formats, plusieurs types de jeux, évidemment. On va vous inviter évidemment à jouer avec nous, n'hésitez pas à faire tout ça. Il y aura quatre jeux en tout. Quatre jeux en tout, effectivement. Donc sur le premier jeu, qui va juste être des questions simples, chacun a pris son nombre. Moi j'en ai 20, t'en as combien toi? Moi j'en ai 15. Eh bah écoute, je propose qu'on se les fasse en ping-pong, par Allez. thème. Alors, tu veux que je démarre? Allez, vas-y. Alors, un thème slasher. Ok. Donc 5 questions. Il y a du dur, il y a du facile, l'idée c'est de s'amuser, jouer avec nous, amusez-vous. Dans Mortel Saint-Valentin. Ok. Quel est le traumatisme du tueur? On parle bien du film des années 2000 avec Denise Richards. Ouais. Il y a pas un truc comme quoi il a vu sa mère tromper son père. Il y a pas une sorte d'adultère quand il Pas était du gosse. tout. Ah. Il s'est fait recaler par quatre filles lors de la Saint-Valentin du lycée. Mais les incels! Ok, lequel de ces films est le mieux noté sur Rotten Tomatoes Ouf. parmi Meurtre à la Saint-Valentin 3D? Je sais ce que tu as. I know what you did last summer. Lequel? Le premier, Ok. l'original. Urban Legend 1. Seed of Chucky, donc le Le fils de 5, Chucky, ouais. ouais. Et Cherry Falls, dont on a parlé dans le tout premier épisode. Oui, je pense que c'est Souviens-toi l'été dernier. Qui est à 47%, ce n'est pas lui. C'est Cherry Falls? Qui est à 63%, c'est lui. Putain, ok. Le suivi juste en dessous, c'est Meurtre à la Saint-Valentin 3D, 62%. Et le moins noté, c'est évidemment Seed of Chucky. Enfin, c'est Urban Legend 1 à 30%. Alors. Évidemment, Rotten Tomatoes, c'est pas le meilleur site de critique du monde, parce que juste dire d'un film oui, non, c'est compliqué, mais c'est pour la blague. Imaginons que tu veux te faire un marathon Terrifier. Okay. Uniquement le 1, 2, 3. Pas le Lolo's Evil court-métrage. Terrifier 1, Terrifier 2, Terrifier 3. Combien de temps ça dure? Ouh, un marathon Terrifier. Alors, sachant que du coup le 2 faisait quand même 2 h 15. Dans ces eaux-là, ouais. Le 3 faisait Il faisait bien ses 2 heures aussi, hein. il faisait plus de 2 h. Oui, putain, oui, il faisait plus de 2 h. Ouais, et le 1 est assez court, je crois qu'il fait dans les 1 h 20. Tu dis que ça dure combien? Allez, à 20 minutes près. À 20 minutes près. Je dirais que si on fait Il faut une réponse, chef. Ouais, attends, je suis en train d'additionner 4 h 20, je dirais que ça fait 5 h 45 à peu Bah, près. t'es très bon, c'est 5h48. Oh putain. Ok. Tu vois les sagas Vendredi 13 et Freddy, on les aime bien. Oui. Ok. Quels sont, dans ces deux sagas, les films qui ont attiré respectivement le moins de monde en salle en France? Ouf, alors vendredi 13. Si les gens ont du goût, c'est le 8. Je dirais que c'est du coup l'ultime retour. Bah, c'est Jason X Bah, les gens ont du goût. qui a fait moins de 1000 entrées. Putain, les gens ont du goût Il aussi. a fait moins de 1000 entrées. C'est Waouh. ridicule. Moins de 1000 entrées pour un Vendredi 13, c'est catastrophique. Le film qui était supposé, on le rappelle, raviver l'intérêt du public pour la franchise Vendredi 13 avant la sortie de Freddy contre À Jason. l'ère du néo-slashers. Ok, et Freddy? Le mois d'entrée pour Freddy. Ouais. Je te le donne, c'est pas le 6. Ouais, non, je crois que c'est le 7. Bah, c'est l'enfant du cauchemar. Donc le 5? C'est le 5. Ok. 257 000 entrées. Pour vous donner une idée entre Oui. le moins, genre, le moins bon Freddy est meilleur que le meilleur des Vendredi 13. Hein. Moi, c'est ma théorie. Hein. Et le plus d'entrées, je dirais que c'est dans les deux cas, c'est Freddy contre Jason. Je crois. Alors, j'ai plus les stats, mais je crois. Je crois, je crois. Ok. Combien y a-t-il eu de jeux vidéo Saw? Je sais qu'il y en a un, genre Soul Legacy Alors, qui... à toi de me dire. Je dirais qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux, exactement. Il y a Oh, eu ou plus. Saw 1 et Saw 2 Flesh and Blood. Ok. Et Il ça s'arrête là. y a partout de Soul Legacy là J'ai pas trouvé, j'en ai pas trouvé. Je peux me tromper, mais je n'en ai pas Ok. trouvé. À toi. Alors. J'ai une thématique, citer X films. Ah, vas-y. Alors, es-tu prêt? Vas-y. Alors, Cite vas-y. 5 films d'horreur en 3D. En 3D, Meurtre à Saint-Valentin 3D. Ouais. Saw 3D. Oui. Y a pas Mirrors qui était en 3D aussi? Je sais pas. Je crois qu'il a eu un truc en 3D, mais je peux me tromper. Sadako 3D. Oui. Sadako 3D et... Ah, quel film à la con a pu avoir des trucs... Je suis en train de... Bah, Freddy 6! Freddy 6, Freddy oui. 6. Et attends, j'en mets un deuxième, j'en mets un dernier, des fois que Mirrors ne soit pas bon. Un film en 3D... Donne-moi un indice un peu sur un vieux oublié. On a parlé de son remake dans l'épisode remake. Je suis sûr d'en oublier des évidents en fait en plus, parce que des films d'horreur en 3D. Attends, oui, c'est l'épisode remake? Je sais plus. Bah, on en a parlé. On a parlé d'un film qui a eu. Bah écoute, j'en ai pas d'autres là comme ça. Bah alors, je pensais donc à l'homme au masque de cire. Oui, l'homme au masque de cire, effectivement. Effectivement, très bien joué, très bien Mais joué. donc il y avait Amityville 3D, Vendredi. Destination Finale 5. Destination Finale 5. Et 4 d'ailleurs Et aussi. 4, bah, c'est bon, j'ai compensé le Mirrors. Ouais, donc il y avait Amityville 3D, Vendredi 13 3D, Meurtre à la Saint-Valentin 3D. J'aurais dû penser au old school. Vrai, Vendredi 13 3, il Oui. meurt en 3 dimensions, c'est oui. My Soul to Take, donc le même monsieur de cire, Dark Country, Saw 3D, tu as dit, Silence Mais et Révélation. Dark Country, c'est. D'accord, Une espèce d'outback australien. Ah, ok. Silence et Révélation. Révélation 3D, effectivement. Déserte finale 4 et 5, Cette ouais. époque horrible où tout le monde s'est dit, ah, Avatar, c'est trop bien, on va faire pareil. Oula. Piranha 3D, Shark Knight 3D, Piranha 3D, mais j'aurais Hansel dû. et Gretel, Chasseur de sorcières, t'en parlais? C'est vrai que c'était en 3D, effectivement. Et du coup, c'est quel remake dont tu parlais? Ah, l'homme au masque de cire, Donc la maison de la cire. maison de cire, effectivement. Effectivement, effectivement. Resident Evil 4 et 5, Texas Chainsaw 3D, Et Resident Evil, bien La Nuit vu. des Morts Vivants, Paranormal Activity 5, Fright Night, Underworld Ah oui, 4. t'en as plusieurs là. Ouais. Du coup, vas-y, est-ce que tu en as d'autres? Ouais. Cite-moi 5 films qui ont eu le Grand Prix à Gérard Armé. Ouah, ok, Bon Tomahawk. Oui. La Pietà. Oui. Ok. Je suis pas bon sur Jérémy. 5 films, 5 films, 5 films. Ah, j'aurais dû me renseigner sur ça. Non, Bon Tomahawk, La Pietà. Ego? Ego l'a eu. Ego, le truc avec les gamins qui ont des super pouvoirs. Il l'a eu ou pas celui-là? Non, il s'est fait la même année que Ego, Ouais, c'est ça. il a eu le prix du Mais Ego public. l'a eu. Saint-Maud l'avait eu, je crois. Sainte-Maude l'a eu en 2020, Saint-Maud ouais. l'avait eu. Et un dernier. File un indice? Un giga classique de l'horreur. Ah oui, chef. Un gi non mais un giga classique dans les années 90. Là, comme ça, je pense que non. Le plus grand, enfin le film d'horreur le plus culte des années 90. L'échelle de Jacob? Culte. Genre vraiment massivement culte. Donne un indice précis sur le film. On a dédié un épisode au Réal. Donc c'est Wes Craven. Oui, Scream! Scream. Scream! Scream! Scream! Ok, bien joué. C'est vrai que j'ai remis, parce que avant était Avoria, du coup, Oui, jusqu'en 93. et qui depuis est devenu. C'est vrai, effectivement. Et du coup, Bon Tomahawk qui l'avait eu, film de Craig Zeller. Ouais. Ah, j'aurais dû penser à Fausto 5-0. Fausto 5-0, c'est ça. Tony est amoureux, c'est ça le De truc? Thomas est Thomas amoureux. est amoureux. Alors juste, ouais, si on fait la liste, il y a eu La Mariée aux cheveux blancs de Ronny Yu, Créature céleste, Le jour de la bête, c'est vrai qu'on en a parlé Dia de la aussi. Bestia. Scream, Le loup-garou de Paris, non. Loup-garou de Paris, ouais, ça, meuf. Cube, Hypnose de David Koepp, Thomas est amoureux, Fausto 5-0, Darkwater de Nakata, Deux sœurs de Kim Ji-woon, Trouble de Harry Cleven, Isolation de Billy O'Brien, Norway of Life, L'orphelinat, De Baïna. Bayana, Morse, The Door, Oui, donc donc le là, film avec Mads Mikkelsen. c'est ça, Blood Island de Bette Davold, Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Un des films les plus traumatisants qui soit, mais chef-d'œuvre. The Monitor qui s'appelle Baby Call aussi, Mama de Muschietti, Miss Zombie, It Follows, Bone Tomahawk, Grave, Ghostland, Puppet Master de Little Estreich, Sainte Maude, Possessor, Ego, La Pietà, Sleep et In a Violent Nature. Voilà, j'aurais dû penser à In a Violent Nature aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Mais c'est bon, tu les as, bien tu bah, les as. très bien joué, très bien joué. Et enfin, cite 3 sagas d'horreur, donc d'au moins 2 films, créés dans les années 2020. Créé dans les années 2023, Ouais. bah X, X, oui. X. Smile. Smile, ouais. Smile. Et au moins deux films, donc faut que je pense aux suites. On a eu quoi comme suite dernièrement? À chaque fois, c'est le dernier qui me manque. Des films, des sagas d'horreur post-2020. Il y en a une évidente que j'ai oubliée ou pas? Y en a un dont le 2 est sorti très récemment. J'ai vu le 2? Oui. Ah, The Strangers! Techniquement, le reboot, oui, si tu veux. Saga d'horreur, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Alors, il y a eu. Fais un petit indice. Ok, alors, c'est une adaptation. Alors, une adaptation De jeu. de jeu vidéo. Ouais. Il y a le 2. Ah, FNAF! FNAF. FNAF, ah, bien joué. J'avais aussi pensé à Stree, mais le 1 date de 2018, donc non. Mais ok, effectivement, FNAF. Y avait aussi Black Phone, Fear Street, Black Influencer, Phone, Le oui! Fooniverse. Ah oui, oh mon dieu, oui, j'en ai vraiment oublié beaucoup en Nobody fait. Sleeps in the Woods Tonight, Horror in the High Desert. Ça date post de 2020, Nobody Sleeps in the Woods? Le premier, c'est 2020. Oh, ok. Et oui, Horror in the High Desert, donc quatrième est sorti dernièrement d'ailleurs. Ouais, French Blood aussi, qui était Oui! pensé pour être une pentalogie et qui au final n'est qu'une trilogie pour l'instant. Ok. Depuis 5 ans d'ailleurs, les 3 sont sortis en même temps. On attend la team. Moi j'ai fini mon round cité X-Film. Et bah très très très bon thème. Alors à moi, deuxième thème, ça va être un thème Asie. Ok. Combien de films est-ce qu'il y a dans la saga The Ring? Ouf, ok, Et alors. prison, saga officielle. Oui. Donc, Ring, Ring Et 2, Ring 0. je compte les remakes. Donc combien de films Ring il y a au total? Tu comptes Razen? Non. Non, ok. Techniquement, il est officiel, mais il a été décanonisé. Ouais, c'est ça, en fait que je fais. Donc, Ring, Ring 2, Ring 0. Sadako 3D, Sadako 3D 2, Sadako versus Kayako. Alors, je pense qu'il y en a un. Rajoute un ou deux par défaut parce qu'il y en a eu des récents. Ouais, Ring Viral. Non, Ring Viral, c'est le remake coréen, Non, donc non, ça compte pas. ça compte pas. Tente une frappe de loin, hein. Japonais. On Oui, ne japonais, parle ouais. que des films Ah non, japonais. je compte les deux, les trois américains du coup. Ok, donc les trois américains. Là, j'en suis déjà à 9, du coup. Tu veux tenter 11? Je tente un 11, vas-y. 14. Putain, waouh. Ring en 95, Ring en 98, Spiral en 98 aussi, Ring 2 en 99, Ring Virus en 99, Ah, mais. Non. Ring Zero Birthday en 2000, Oui, Ring. Ring. Donc Ring Virus, il comptait? Oui. Ah! Ring 2, Ring 2002, Ring 2 2005, Sadako 3D, Sadako 3D 2, tu les avais, Sadako versus Kayako Je en l'avais aussi. 2016, Ouais. Rings en 2017, Sadako en 2019 et Sadako DX en 2022. Ah, putain, DX, oui. Voilà. Alors, ça, c'était un peu vicieux. Ok. Qui se rappelle de Yeon Sang-ho? C'était celui qui avait fait Train to Busan. Oui. C'était vraiment bien, hein, Train to Busan, c'était en 2016. Il a fait combien de projets depuis? Films et séries. Depuis celui-là? Ouais. Bah là, à part Peninsula, j'en ai pas, donc allez, je dirais 3. Et bien, on a fait 8. Putain. Il a fait Seoul Station, qui est sorti après, mais la même année. Non, il est sorti avant? Ah non, sorti juste après. Ah ouais? Psychokinesis, Ah. Peninsula, Jung-hee, Revelations, The Ugly. Revelations of the Abyss était sorti en même temps. Et en série, il a fait Hellbound sur Netflix, très bonne série d'ailleurs. Et Parasite, qui est sorti cette année ou l'année dernière, je crois. L'animé, du coup. La version live de l'animé. Ok. Voilà, dommage, dommage, dommage. Donc c'était 8. Ok. Je suis allé sur un site merveilleux de critiques françaises, je ne dirai pas lequel, mais un indice, il est horrible. En tout cas, les critiques sont horribles. Halluciné? Je ne dirai pas. Et donc, je vais te donner trois critiques et je veux que tu me dises de quel film ça vient. Ouh, joli. Ok. Sachant que j'ai un peu taillé dedans parce qu'on dise le nom du film, j'en ai. Cette histoire cruelle et sur l'amour et la fidélité, virgule, se laisse regarder. Ouvre les yeux. C'est un film asiatique. Ah. Et c'est un gros film. Genre, j'ai pas pris les trucs underground, c'est des gros Sur films. l'amour et la fidélité, c'est juste. Virgule, se laisse regarder. Old boy? Non. Bah, faut vraiment Non, être un malade mental mais pour. c'est dans la veine en termes d'amour chelou. C'est japonais. Audition? Ouais. Ok. La réalisation et le jeu d'acteur inférieurs à ce que font les téléfilms français les moins bons, virgule, ont réussi à faire de ce superbe manga un ridicule long métrage, c'est moche et puéril à fuir. Death Note. Donc c'est une adaptation de manga. Ouais. Et c'est un gros film. Genre vraiment, c'est un très gros film. Et qui a plus de 20 ans. Parce que j'allais dire Battle Royale, mais Battle Royale c'est une adaptation de roman. C'est Battle Royale. Ah, c'est Battle Royale. Le critique a dit manga, j'ai. Ah oui! C'est Battle Royale. Ok. Tu penses quoi de Battle Royale? Moche et puéril à fuir? Les acteurs moins bons que les téléfilms français, hein, super. Ok, alors le dernier. Alors, il y a des fautes d'orthographe, donc on m'excusera. Qu'est-ce que je me suis ennuyé devant tout le film durant tout le film? C'est vraiment n'importe quoi. Le pire, c'est quand les animaux parlent, c'est ridicule, on n'y comprend rien. À nouveau, c'est un big film, hein. C'est un gros gros film. Le Roi Lion? Non. Asiatique. Et japonais aussi. C'est vrai, Japonais, j'ai fait trois films japonais, je viens de réaliser. animaux qui parlent, Mononoke? Ouais. Allez. J'aurais dû en faire plus. Plus que deux questions. À part producteur exécutif sur The Grudge 3, la suite de la suite du remake, Oui. quel est le rôle de Takashi Shimizu dans le film? Bonne question. Un rôle devant ou derrière la caméra? Alors, à toi de me dire. Il est le producteur exécutif, mais qu'est-ce qu'il est d'autre? Il est co-scénariste, non? Il est rien du tout. Ok. Il n'est que producteur exé sur le film, ce que Ouais. je trouve dégueulasse. Ou en tout cas symbolique, enfin assez représentatif de ce qu'on peut faire de ces franchises. Et dernier truc, alors, je t'ai parlé de Street 2 juste avant. Ouais. Donc Street 2, ça a été un carton en Inde, vraiment. C'est le septième plus gros succès au box-office indie all time. Combien il a rapporté à peu près? Alors, je peux te donner la somme en crore, mais du coup, combien ça fait en dollars? Il a rapporté 874,58 crores. Pour te donner une idée, les plus gros succès indie, on peut penser à Pathaan, Javan, Durandar, dernièrement d'ailleurs le 2 sort en mars, même le sinistre Howard, je vais même pas dire son nom, ont tous fait plus de 1000 crores. Et lui, il a fait? 874,58. Tu penses ça fait combien à peu près en dollars? C'est un très gros succès. Très gros succès, je dirais 80 millions. Et ben ça fait 100 millions, t'étais pas loin. Ok. Il a rapporté à peu près 100 millions de dollars. Ok. Allez, à toi. Alors. Je n'ai pas peu fier de mes questions sur celle-ci. Sur la thématique remake. Oh! J'en ai aussi une comme ça, mais pour plus tard. Ok. Parmi tous ces films, donc The Thing, La Mouche et La Maison de Cire. Ok. Lequel est tiré du film le plus vieux? Oh! Bien joué, ok. The Thing, ça m'étonnerait quand même. Je pense que c'est pas The Thing. J'éjecte The Tu Thing. veux un indice? Vas-y. Les trois datent des années 50. Ouais, c'est ce que j'ai en tête, mais en plus, parce que je sais qu'ils sont assez proches. Là, comme ça, je dirais la Maison de Cire. Mais je peux me tromper. Mais j'ai un. Ah, attends. C'est quoi? Frappe de loin, mouche. La mouche. Ben, La Mouche, t'es le plus récent. Merde! C'était The Thing? Non, c'était pas The C'était Thing. The Thing. Mais La chose d'un non! autre monde date de 51. Et les deux autres? L'homme au masque de cire date de 53 et La Mouche noire date de 58. Ah, très très bonne, très très bonne. Ah, mon Dieu. Ah, dommage, dommage, dommage, dommage. Mais ça, parce que pour le coup, ça, les trois sont les années 50, donc c'était vicieux. Mais bien joué, bien joué. Comment s'appelle le remake des Yeux sans visage réalisé par Jesús Franco? Oh putain. Oh là, oh là, on parle de Jesús Franco. Waouh. Ah, je pense que je l'aurais pas, chef. C'est quoi? Alors, il s'appelle Faceless en VO et il Ok. s'appelle Les Prédateurs de la Nuit en VF. Alors, Jesús Franco, si un jour on fait un épisode sur lui, il faudra mettre un disclaimer en intro quand même. Oui. On se moque souvent de l'exploitation italienne, mais il était pas mal non plus. Dans la petite boutique des horreurs, Oh! quel acteur du... Lequel, du coup? Justement, quel acteur du remake de Frank Oz reprend le rôle de Jack Nicholson dans le film de Roger Corman? Oh putain, alors ça fait quelques années que je l'ai pas vu, donc Donc, je quel pense. rôle a Nicholson dans le Corman? J'aurais pas, chef. Il a le rôle du patient du dentiste masochiste. Wouah! Tu me donnes envie de revoir le film! Et donc, quel rôle... Enfin, qui a ce rôle-là dans le remake de Frank Oz? J'aurais pas. Bill Murray. Non! Si? C'est Bill Murray? Ouais? Ah la vache! Écoute, ah, je l'aurais pas eu, mais. Ah bah! Bravo! T'as fini sur celle-ci? J'ai fini... Bah, je te dis, j'ai 5 salves de 3 questions. Eh bah écoute. Thème musique. Ok. Qui a réalisé Repo: The Genetic Opera? Ah putain! Ah j'ai le Blu-ray, je l'ai pas vu, Ah merde. bah! Non, je Et l'ai pas. c'est un réalisateur connu. Ouais, je sais, mais je l'ai pas Il a là. bossé sur Saw? Yann Oberman? Non. Gary Doberman sur Saw? Il est pas producteur Non, Darren Darren Lynn Woosman, Darren Lynn Bousman. Tu vois le film La Reine des Damnés? oui. Ok. Tu vois l'actrice principale, Alia? Oui. Ok, elle était quoi à part actrice? Elle était pas modèle Playboy ou... Non, Non. elle était chanteuse de R&B. Ok. Et produite par R. Kelly au début de sa carrière, bref. Ok, lequel de ces films a un rappeur à son casting? Entre Vampire 2, Saw 4, Sinners, Scream 6 ou Texas Chainsaw 3D? Un des films, il y a un rappeur dans le C'est un des deux premiers. Redis les deux premiers. Vampire Vampire 2. 2, Ouais. Saw 4, Sinners, Scream 6, Texas Chainsaw 3D. C'est un des deux premiers. Tu penses? Oui. Oh, peut-être, hein. Et putain, y a pas Ice Cube dans Vampire 2? Non. Non? Non, bah je reste sur Vampire 2, vas-y. Et bah c'était Texas Chainsaw 3D. Merde, c'est qui? Ah bah c'est un random, alors j'ai plus son nom, c'est dire à quel point je suis peu dedans, mais je crois qu'il s'appelle Telia ou T comme ça, mais il a vraiment un petit rôle et il est dedans. Ok. Sur la plateforme de musique au logo vert, Ok. quelle est la soundtrack de film la plus écoutée? Parmi Dracula 2000, L'étrange Noël de Monsieur Jack, The Lost Boys et L'armée des morts. La logique voudrait que ce soit Monsieur Jack. Eh ben écoute, je t'ai fait les trois premiers dans l'ordre. C'est Dracula 2000, puis L'étrange Noël de Monsieur Jack, puis The Lost Boys, Dracula 2000, mais plus de 100 millions de streams, hein, l'autre. Ok, facile. Je suis un néo-slasher avec une rockstar, je suis. Putain, avec une rockstar? Ouais. Dans un des rôles principaux. Attends. Je peux donner un autre indice. Je Ouais. suis le premier d'une trilogie. Mon deuxième film est écrit par Scott Ah! Derrickson. Urban Legend? Bien joué. Ok. Il y a Jared Leto dedans. Oui. En fait, je pensais à genre une rockstar qui était déjà une rockstar au moment Ah bah, au je moment me du demande film. si leur premier album sort pas peu de temps après d'ailleurs. Ok. Vraiment peu de temps après, parce que le premier album c'est Beautiful Lie, celui où il y a The Kill, leur meilleur album de loin d'ailleurs. Et je me demande si c'est dans ces eaux-là. À toi? À moi. Alors, la thématique, ça va être suite. Oh, let's go! Comment s'appelle la suite de Elvira, maîtresse des ténèbres? Oh, j'aurais jamais. Oh, je l'aurais jamais, ça! C'est quoi? C'est Elvira et le château hanté. J'aurais jamais vu. Mais j'ai jamais vu l'original en plus. C'est un de mes classiques qui me manque. C'est super bien, Elvira. Et J'adore. pareil. J'adore. Comment s'appelle Halloween 4? Oh, putain, toi, c'est toi qui connais ça! Ok, attends. Halloween 2, Halloween 3, le son du sorcier. C'est pas le retour de Michael Myers? Bien Bah oui, joué! parce que le 3 avait bidé parce qu'il était pas dedans et du coup il avait mis en titre pour ramener les gens. Et parce qu'après t'as la malédiction, c'est le 6, Oui, et le 5 le 5, c'est c'est la la revanche. revanche. Ouais. Oui, Halloween a peut-être les dons les plus clichés quand même, genre le retour, la malédiction. Le retour de Michael Myers. Et comment s'appelle la suite de The Babysitter? The Babysitter. Ah, Killer Queen! Killer Queen, bien Killer Queen avec joué! Jenna Ortega, Oui! réalisé par MacG. Oui, comme le 1 d'ailleurs. Ok. T'es prêt? Ouais. Thème vampire. Ok. Quel est le nom des suites de From Dusk Till Dawn? Waouh, là j'ai pas parce qu'une nuit en enfer, enfin c'est une nuit en Une nuit en enfer 2 enfer, et c'est en français. 3, Bah mais. alors, le deuxième, c'est Texas Blood Money. Tranquille. J'aime l'idée de me dire qu'ils ont juste mis des mots au pif. Et le troisième, c'est Hangman's Daughter. Et combien de saisons de la série il y a eu? Waouh, Deux 2? saisons. Ok, Deux ouais. saisons, ouais. Ok, combien de comics 30 jours de nuit existent? En combien d'albums? Ouf. Je peux t'aider sur un truc? Ouais. Il y en a beaucoup plus. Ah, rien de cool. Il y en a plus que les films. Il y a eu deux films en même temps. Ouais. Toi, plus que deux. Plus que deux, c'est possible, genre trois. Je sais pas, je dirais 10. T'es pas. C'était 6. Ok. T'as 30 jours de nuit, jour À une lettre sombre, près. retour à Barrow, au-delà de Barrow, neige écarlate et Juarez. Et je Jour crois. sombre qui est aussi du coup le titre du 2. Ouais, exactement. Quel est le nom du film de vampire réalisé par les réalisateurs de Jigsaw? Au casting, t'as Sam Neill et Ethan Hawke. Ah, Daybreaker? Bien joué, Ok. Daybreakers. Quel acteur a déclaré s'être inspiré de Nicolas Cage dans Embrasse-moi Vampire pour son rôle? Et c'est un acteur très connu dans un rôle culte des années 2000. Film d'horreur. Et j'arrête les Waouh. dos dans le film aussi d'ailleurs. Faut arrêter. Faut arrêter. Attends, il y a eu quoi comme film d'horreur? J'ai regardé les trous dans les années 2000. Voilà, j'en ai pas du tout. Attends. Ah! Christian Bale? Ouais, pour Dans American American Psycho, Psycho? exactement. Et bah, dernière facile, quel est le plus grand film de tous les temps? On est dans le thème vampire, hein, donc moi je. Quel est le plus grand film de tous les temps? Van Helsing? Merci. Donc j'ai fini mes questions. Ok. Pour cette partie-là. Alors moi, il me reste encore deux salves, du coup. Vas-y. La première, c'est thématique titre québécois. Oh, ça t'es bon là-dessus. Quel est le titre québécois de Scream? Cri, hurlement. Ah non, c'est pas film de peur, genre Non, ça c'est Scary Movie. Ouais, merde. Je sais pas, j'aurais dit frisson, hurlement, un truc comme ça? C'est frisson, t'es chaud. Let's T'es go! chaud, t'es chaud, t'es Let's chaud. go! Quel est le titre québécois de The Faculty? L'école? La faculté? Le lycée? La prépa? Non, alors ça j'en avais parlé du coup dans l'épisode Ouais, mais participatif. je me rappelle qu'on en avait parlé, faculté, chouette film, mais. Ouais. Alors attends. Il y a Titre. un jeu de mots dans le titre. Je l'aurais pas. C'est les enseignants. Oui! Ah, le titre, il est mortel! Ouais. Et alors là, je vais te dire le titre québécois, tu devras me dire le titre français ou le Vas-y. titre original comme tu veux. Vas-y. À quel film correspond le titre québécois Le Pacte du silence? Soit tu étais dernier. Oui. Soit tu étais... ça, je me rappelle. Ça, je me rappelle, je me rappelle. Ok. Et dernière, là c'est question random cette fois. Vas-y. Quels sont les monstres classiques d'Universal qui apparaissent dans Monster Squad? Oh, il y en a beaucoup. Alors, il y a Frankenstein. La créature. La créature. Il n'y a pas le loup-garou? Si. Il y a Dracula, j'imagine. Dracula, La oui. momie, sûrement. La momie. Et il m'en manque un? Un, ouais. La créature du marais? Et du lac noir, exactement, oui. Let's go! Let's go! Sous quel nom est sorti The Deadly Spawn en VHS à l'époque? Oh putain. En plus, je l'ai sur... Enfin, je connais le titre, mais... Alors, un J'allais indice. dire X-Tro, mais non, c'est autre chose, ça. Non, un indice, il sort en 83, donc un an après un certain classique de l'horreur. J'aurais pas. C'est quoi? C'est la chose. Oh, les tricheurs! Ils ont vraiment eu... Ok, je crois bien que je crois que je vais avoir une VHS qui traîne de ça. Enfin, à confirmer. Je vais tirer. Et enfin, quel film d'horreur n'a jamais été adapté lors d'un horror show des Simpsons? Est-ce que Oh! c'est Slenderman, Babadook, Dead Zone ou Venom? J'ai envie de dire que c'est Babadook parce que c'est moins mainstream. Mais vas-y, je tente Babadook. C'était Slenderman. Slender n'a jamais été fait? Ouais. Alors pour moi c'était le plus évident Ouais, quasiment. mais Babadook, il y en a eu un où c'est du coup Marge avec Maggie. Et donc Marge qui est poussée par Babadook. Ok. Dead Zone, c'est un film où Ned voit l'avenir et il se rend compte que Homer va causer la destruction de Springfield Encore. encore. Venom, alors c'est un film fait par la Team Robot Chicken Oh, ok. où en fait Venom est un pantalon qui prend possession d'Homer et qui lui Ça me dit parle. un truc. Je crois que je l'ai vu C'est un des celui-là. derniers, c'est la saison 36, je J'ai crois. dû voir passer un extrait ou quelque chose comme ça. Mais Slenderman n'a, à ma connaissance, jamais été adapté dans un horror show des Simpsons. Ok. Est-ce qu'on se ferait la manche chronométrée? Eh bah écoute, est-ce que tu veux démarrer ou je démarre? Comme tu veux. Donc Moi là. j'ai fait deux thèmes, j'ai fait deux sessions de 10 questions. Ouais, pareil, mais j'ai pas de thème. Et alors, ça va être 50 secondes à chaque fois. Ouais. Et donc, deux sessions de 10 questions, j'ai soit remake, Ok. soit old school. Vas-y, on va commencer. Tu sais quoi, on va y aller chronologiquement, on va y aller par old school. Par old school, et bah écoute, est-ce que je peux te laisser lancer le chronomètre dans ce Ouais. cas-là? Donc 50 secondes, jouez évidemment avec nous. Voilà. Ok, Roman, es-tu prêt? Je suis Là, prêt. le but, ça va juste être à la salle, faut y aller. 3, 2, 1, top. Combien de suites il y a de psychose? 4 plus un nom officiel. Qui a réalisé La Maison aux Fenêtres qui rit? Je sais pas. Quelle est l'année de sortie de L'Exorciste? 73. Quel est le nom français de The Brood? Chromosome 3. Quel est le premier film de Carpenter? Dark Star. Quel est le réalisateur de Carrie? Brian De Palma. Quel est le nom de la boîte de prod anglaise rivale de la Hammer? Je sais pas. Que veut dire Shud? Cannibale humanoïde. Ah, j'ai pas. Quelle franchise célèbre a inspiré Jacob's Ladder? Silent Hill. Quel acteur célèbre est dans La Malédiction 3? Sam Neill. Très bien, est-ce que tu veux retenter La Maison aux Fenêtres Carrie? Vas-y. Umberto Lenzi? Non. Non. Et Shud, tu l'as pas? Bah, c'est Cannibale humanoïde, le D c'est destructeur et le U tout le monde l'oublie. Le D, c'est dévastateur. Dévastateur et le U c'est. Et combien de temps reste? Ah, 50 secondes! Et bah, La Maison aux Fenêtres Carrie, c'était Poupi Avati. Ah mais putain mais oui! Et Shud, c'est Cannibale humanoïde usurpateur dévastateur. Et pour le coup, et sur Psychose, ouais, ça y a bien 4 Psychoses et le non officiel. Ou alors c'est pas 3, il me semble. Parce que pour le coup. Non, ça va jusqu'au 4, et après t'as Bates Motel qui est pas officiel. Oui, c'est ça, c'est ok. Mes notes étaient bonnes, mes notes étaient bonnes. Et le 4 d'ailleurs qui est réalisé par. Ah! Le français là? Alors, donc, déjà, Psycho 2, Non. c'est. Psychose 2, c'est. Je sais que le Richard 3. Franklin. Ok. Le 3, c'est. Anthony Anthony Perkins. Perkins. Et le 4, c'est Réponse. Ah! Les Garris! Les Garris. Allez, à moi. Ok. On espère que vous avez eu les Ouais. scores, évidemment. Alors, du coup, j'avais aussi la question quel est le premier film de Carpenter, Ah mais du merde! coup, je vais l'adapter. Ok, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, top. De quel conte s'inspire La Compagnie des Loups? Le petit chaperon rouge? Ouais. Quel est le premier film de. Pardon. Dans quel film se déroule Gremlins 2? New York? Ouais. Quel est le premier film de Carpenter dans les années 80? The Thing, Non. j'aurais pas. Cite-moi un film de Romero. Zombie, Ok. zombie. Quel Freddy a réalisé Rainier Allen? Le 4. Quel insecte symbolise les rêves dans Ne t'endors pas de Flanagan? Une mouche? Non. Selon le titre de Anaconda 2, les Un personnages. papillon, un papillon, un papillon. Oui. Selon le titre de Anaconda 2, les personnages sont à la poursuite de Un quoi? orchidée de sang. Ouais. Quel est le titre français de Cult of Chucky? La malédiction de Chucky? Non. Selon le titre du film, Le retour de Chucky, putain. sur quelle rue habite Sweeney Todd? Fleet Street. Ouais. Selon le titre, quel est le titre français de Brain Damage de Eden Lauter? 50 secondes, ah, je l'aurais pas. Putain, j'aurais pas eu. Brain Oh, Damage, c'est quoi le nom français? c'est Elbert le remue-méninge. Le Remue-Ménage, oui! C'est un avis d'auteur ou je. Non, du coup, c'était fini. Donc, le premier Carpenter des années 80, c'était Fogg. Fuck, En putain! 80. Mais The Thing, c'est pas longtemps après. C'est 82. Voilà, putain! Et entre les deux, il fait. En 81, il sort. Merde, il en sort en 81 aussi. Bah, de tout, bref, c'est vrai que Fog, à chaque fois j'oublie Fog. Donc, oui, Cult of Chucky, c'est le retour de Chucky. Le retour de Chucky, et c'est celui après Curse of Chucky. Sa Vous savez, malédiction. celui qui est cool, celui dans l'hôpital là. Ouais, Oui. il est bien, hein, il est pas mal. Retour, ouais, c'est dans l'hôpital, ouais. Donc, oui, t'as vu Freddy 4, t'as vu un Romero, t'as vu Gremlins 2, Ah, t'as vu tout ça. ok. Mais ouais, Elmer le remue-méninge, Remue-ménage. enfin, s'il est dans la tête. Est-ce que tu es prêt pour la session The Ring? Enfin, la session The Ring, pardon. La session Remake, pardon. J'imagine qu'il y a The Ring dans Il y a un le truc sur The Ring, ouais, t'inquiète. lot. Ok. T'es prêt? 3, 2, 1. Quel est le nom de la méchante dans le remake de The Ring? Samara. Quelle est la plus célèbre personne morte dans House of Wax? Paris Hilton. Quel film de Cronenberg a eu un remake? Tu peux skip, hein, Ouais, c'est. je skip pour l'instant. Ok. Quel est le remake de Carpenter qui est le moins bien noté all time? Fogg? Ouais. Vrai ou faux? Audition a eu un remake. Faux? Ouais. Qui a réalisé le remake de Morse? Matt Reeves. Bien joué. Je suis un remake d'un film autrichien fait par le même réalisateur. Je suis. Funny Games US. Je suis l'acteur principal du remake de Fright Night. Je suis. Anthony Yelchin. Du remake de Fright Night? Ok, le vampire. Ah oui! Ah! Putain! Colin Farrell! Ok, je suis le. Ok, je suis le meilleur remake des années 2000, je suis. Là, c'est libre, hein. De quoi? Là, c'est libre, vas-y. Le meilleur remake des années 2000? Ah putain, bah, c'est trop tard, merde. Ah, dommage, dommage. Halloween? Bon, ça se tient. Oui. Et je suis le pire remake des années 2000. Alors, les pires, je les ai volontairement pas vus, mais donc je pourrais dire Prom Night, je pourrais dire Fogg, Voilà. Et du coup, Freddy. on Non, c'est disait 2010, quel Freddy. film de Cronenberg avait un remake? C'était Rabiz. Oui, Rage, par les sorcières Oscar. Par les sœurs Oscar. Oui. Exactement, exactement, exactement. Très bien. Et ben on Il y a arrive. quoi d'autre que j'ai pas eu encore? Dans quel film de Cronenberg tu l'as eu? Le remake de Carpenter, moins bien noté, tu l'as eu. Vrai ou faux, audition et remake, effectivement, il n'y en a pas eu, heureusement. Non, tu les as tous eu. Tu les as tous eu, tu les as Ok, tous eu. ouais, Et Colin Farrell, effectivement, pour Fright Night. Oui. Qui est sur l'affiche, une affiche ignoble. Ok, est-ce que tu es prêt? Vas-y. Ok. Manche une. Ouais. Enfin, du coup, c'est ma manche une, c'est ta manche deux pour toi. Ok, 3, 2, 1, top. Top, combien de titres de films Vendredi 13? Combien de titres de films vendus 13? Ouais. Ah, 10? Non, 11. 11 avec le remake, 12 avec Freddy contre Jason. Oui. En quelle année sort Psychose? 60? Ouais. Quel acteur a le plus interprété Jason? Quelle odeur? Ken Oder, ouais. Dans quelle ville se passe Possession? Berlin. Berlin, ouais. Combien de fois faut-il dire Candyman devant un miroir? 3? Non. 5? Oui. 5. Combien sont les jeunes de Blair Witch à se faire dans la forêt? 3? Ouais. Comment s'appelle le remake de Morse? Laisse-moi entrer. Ouais. Complétez cette phrase de Vidéodrome, longue vie à. Longue vie à la nouvelle chair. Ouais. Sous quel autre nom connaît-on Braindead de Peter Jackson? Putain, 100%, c'est sans, c'est un jeu de mots avec ça, Non, je crois. non. Qui est l'auteur dans L'Antre de la folie? Saturken. Ouais. Je te refais Vendredi 13. Non, tu l'as eu Vendredi 13? Non, c'est le Brain Dead. Braindead, ouais. Je l'aurais pas. Putain, 50 secondes. Ah, j'étais bon là, j'étais Ah, trop non, bon. t'étais bon. Je les enchaînais tous. C'était Dead Alive. Dead Alive, Notamment oui. son titre britannique. Oui, Dead Alive, très bien joué. Mais ils étaient bien là, ils étaient bien. Et on arrive au dernier sujet. T'en as encore un, toi? Bah, il y a le coup des listes et après il y a le coup des indices. Effectivement, sur les listes, alors, pour vous faire simple, ça on va donner une liste de films, de personnages, de ce qu'on veut, et le but, ça va être de choisir, selon le critère donné, un élément dans cette liste. Donc, par exemple, démarrons très simplement. Roman, qui a la pire filmographie, la pire, parmi Carpenter, Craven, Argento, Cronenberg, Sam Raimi et James Wan? Ouf. C'est pas facile, hein. Je pense que il y a moyen que Overall ce soit Argento, mais La pire. attends, je réfléchis en fait. Perso, je pense que je la donne à Craven quand même. Il a des very high highs, mais il a aussi des very Ouais, low lows, c'est ça. Redis le nom. quoi. Carpenter. Procédons par élimination. Carpenter. Bon, Carpenter, on peut éliminer. Oui. Craven. Craven, c'est vrai comme tu dis, il y a Argento. des hauts mais qui tutoient les sommets. Scream, les griffes de la nuit, évidemment. Argento. Cronenberg. Sam Raimi. Et James Wan. Je connais pas assez les films de Rémy sortie de Spider-Man et Evil Dead et Cronenberg. Moi, Cronenberg, je l'éjecte tout de suite, il reste. Cronenberg, j'ai un gros trou dans sa carrière en fait. Dans ma connaissance de sa carrière, j'ai un gros trou. Globalement, années 90, 2000 et 2010, ouais, même. Donc, à qui tu le donnes finalement? Argento ou Kraven? Parce que One n'est pas dans la question aussi, de ce que j'ai compris. De quoi? One n'est pas dans la question. Ça, c'est vrai que t'avais dit One? Ouais, j'ai dit James One. Parce qu'il y a Aquaman 2 quand même aussi. Il y a Aquaman 2, mais il y a. Allez, maintenant faut Il y a choisir. À 6, 3. putain. 1, 2, 3. Argento. Tu me fais Je tellement sais, je mal au sais. Mais cœur. j'adore Argento. Genre, vraiment, je l'adore. Mais je. Ah putain, non, en fait, Craven. Ah! Moi, Kraven, parce que Ouais, c'est non, Craven, la non. musique de mon cœur. Et surtout, Argento, finalement, tu n'as que, alors, beaucoup de guillemets, mais tu n'as que 3 ou 4 merdes. Alors, c'est des énormes daubes, hein, soyons clairs. Mais Kraven, t'as quand même les téléfilms, t'as les Oui. pornes aussi, hein, c'est ça. Enfin, moi, personnellement, je le donne à Kraven. Oui, non, c'est vrai, Malgré Craven. à nouveau des sommets exceptionnels. Non, c'est vrai. Non. Et Kraven m'a énervé avec un film, ce que Argento n'a jamais fait. Shocker. Oui, non, j'avoue que ouais, c'est vrai que Craven, je me focus vraiment sur les bons, mais c'est vrai que dans l'eau, il y Ah, a. c'est ça, c'est là tout le challenge. C'est ça. Ok, En quel fait, est. Craven a plus de films moyens que Voilà. Argento. Quel est le meilleur film parmi Urban Legend 2, Coup de Je grâce, l'ai pas vu! Piranha 3DD, Oh! The Boy 2, j'ai fait que les deux, Paranormal Activity 2, Douce Nuit Sanglante Nuit 2 ou The Gallows 2? Ah, là, dans l'eau, je te dirais pas dans l'Activity 2, mais sans aucune conviction, quoi. Perso, je pense que, et crois bien que je suis le premier surpris, mais je le donne à Piranha 3DD. Parce qu'au moins, t'as des effets gore un peu Oh, marrants, c'est ça, au moins t'as David Hasselhoff mais soyons qui clairs, on ne cabotine. parle que de catastrophes industrielles. Hein. Tous sont catastrophiques. Donc tu le donnes à Paranormal Activity 2? Ouais. Eh bah écoute, c'est entendu. Il m'a jamais énervé pendant l'Activity 2. Eh bah écoute, j'en ai encore quelques-uns. Quel Et je est. suis pas assez attaché au 1 Bah, pour qu'une suite bah, moins bien. ça s'entend, ça s'entend. Quel est le plus beau film parmi, beau esthétiquement? Neon Demon, Nosferatu de Eggers, Ouh. Inferno, Crimson Peak, Midsommar ou The Ah. Substance? Ça va jouer entre les deux premiers pour moi. Pour moi, ça se tape entre Neon Demon et Inferno. Sauf Inferno. que le but, c'est aussi chacun donne le sien, c'est Ouais, pas, on est ouais, d'accord. ouais. Inferno, j'ai jamais trouvé. Ah, moi, je le trouve sidérant, En fait. c'est une claque dans En la fait, gueule. il est. Je le trouve jamais particulièrement beau. Genre, la photo me marque jamais, mais je le trouve hypnotisant. Et Crimson Peak aussi, putain, Crimson Peak dans la liste, hein, quand Je même. l'ai. Alors, pour le coup, je le out parce que ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Crimson Peak, ça a tombé par terre aussi. Quand même, je pense que je vais aller vers Neon Demon parce que Neon Demon, c'est un film qui me. Alors, on n'a jamais parlé de NWR et on pourrait parce C'est qu'il a fait vrai. des films fantastiques. Moi, c'est un film et je pèse mes mots, m'obsède. C'est Qu'est-ce que tu ça. fais dans la vie? Comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien? Je conduis. Je Tu conduis. Tu vois? I drive. Non, mais Neon Attends, Demon, moi, c'est t'avais un. dit qui après Neon Demon? Nosferatu de Eggers. Putain, ouais, Moi, c'est. Neon Demon, c'est un film qui m'obsède, qui me fascine, qui m'hypnotise de A à Z. C'est un film que j'adore et qui, je suis à chaque fois scandalisé quand je repense à la façon dont il avait été présenté à Cannes. Genre, ouais, c'était stripteaseuse cannibale. Là, tu fais, ah oui, bah écoute, si tu résumes à ça, c'est bien. Et ouais, moi, pour moi, c'est entre Neon Demon et Crimson Peak. Et je pense que je le donne à Neon Demon. Neon Demon à Keanu Reeves. Ça se tient. Hein. Donc tu donnes à Neon Demon Et un aussi? tigre. Ou tu vas. Ou Nosferatu? Qu'est-ce qui Putain, parle? j'hésite Ah, c'est vraiment vrai que entre deux. Nosferatu, il y a les beautés gothiques aussi, mais à Neon Demon quand même. Je reste sur ma Ah, liste. Nosferatu, il y a ce plan de la main. Ah, sur la ville, Oh bah, putain. t'as le plan du château au loin, t'as plein de plans de fou, hein. Ouais. Alors? Non, Neon Demon, vas-y. Ok. Jusque là, on est cordat, hein. On est Attends, bien. vas-y, je t'en fais d'autres aussi, on alterne un Vas-y. peu. Moi, j'en ai un, deux, trois. J'en ai encore cinq derrière. Moi, j'en ai en tout j'en ai 6. Et bah vas-y. Ok. Quelle société a fait le plus de mal au cinéma d'horreur? Blumhouse, A24, Asylum ou Full Moon? Oh putain, en plus tu sais que j'ai envie de taper sur moi. Ok, en fait je vais retirer Asylum parce que pour moi ils ont pas d'impact. Les seules victimes c'est les spectateurs, mais ils ont pas d'impact. Pareil pour Full Moon. Au cinéma d'horreur à proprement parler, ça se tape entre Blumhouse et A24. Alors, posons tout de suite le cadre d'analyse. On parle du cinéma ou du public? Parce que cinéma, c'est-à-dire, on parle de la production ou de la réception. Parce que si jamais c'est la réception, c'est A24 sans aucune hésitation. Si jamais c'est la production, ça peut se débattre. Parce que Blumhouse a fait des merdes, mais Blumhouse a aussi plus ou moins remis en avant cette idée de high concept horrifique. Pour le meilleur ou pour le pire, reste à voir, mais c'est quelque chose que personnellement j'aime bien. Et A24 a quand même popularisé cette idée. Non, A24. Il avait été d'horreur. Surtout parce qu'eux-mêmes l'ont brandé comme A24. Toi, tu dis qui? 24 aussi. Ouais, c'est parce que vraiment, A24, moi je trouve ça. Enfin, ils ont des excellents films, c'est pas le sujet, c'est un très bon distributeur, mais je trouve que dans leur façon de se vendre et dans leur façon de construire leur système de production, il y a vraiment des choses qui vont pas. Okay. Je t'en refais un vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y, bien sûr. Quel Disney a le meilleur potentiel pour un film d'horreur? Entre Oh. Hercule, Non. Réponse, Peut-être. Vaiana, Ouais. Les Mondes de Ralph, Ah putain, t'as vraiment pris les plus drôles, quoi. Dumbo et Mulan. Dumbo. Ah non, attends, ok. Ce serait une adaptation littérale ou ce serait une adaptation un peu twistée? Pooniverse. Ah putain, parce qu'en fait, j'allais dire, pour moi, Mulan, parce que Shanyu me fait vraiment peur. Genre, Shanyu, j'ai souvenir que. Waouh. Puis Richard Darbois. Ouais, Richard, à nouveau. Faudrait qu'on fasse un épisode Disney et on parle que des VF. Parce que. Non, mais non, on rigole, mais Shanyu. Oui. Faut le voir pour le croire, c'est quand même. Genre, la musique de Shanyu, la scène de combat dans la montagne, incroyable! Je suis là de ton arrogance, vieillard. Et cette fin exceptionnelle quand. Qui fait la voix de Mushu? José Garcia. Parce que à la fin, quand il y a quelqu'un qui fait qui êtes-vous? Et là, il est ton Ton pire pire cauchemar! cauchemar, Voilà, oui. ça c'est fabuleux! Non, je pense que je le donne. C'était quoi après Mulan? Il n'y avait rien après C'était quoi Mulan. avant Mulan? Dumbo. Ah, Dumbo ou Mulan? Pour moi, ça se tape entre les deux. Je pense plutôt Mulan parce que si tu peux me faire un film d'horreur un peu stylisé, je prends. Genre, en plus, les films d'horreur de guerre, tu peux faire un truc pas mal. Ok. Et toi, tu le donnes à qui? Ça dépend, je pense que Hercule, Ah, j'ai vu, je dis en fait, parce que. c'est à l'imagerie enfer, Ouais, c'est ça ça. pourrait jouer. Si tu peux jouer avec l'imagerie, du coup. Mais c'est vrai que Ouais. j'ai trop l'image de Hadès avec la voix de Nicolas Cage, donc. Je pense que réponse, le côté. Eh, hey, Hercule en film d'horreur, il arrive bientôt, hein, Guy Ritchie l'a fait. Hein. Trop hâte. Mais réponse, le côté meuf séquestrée qui va aller voir se venger. Il y a un côté rape and revenge, c'est vrai. De Kidnapping and Revenge? Kidnapping and Revenge, du coup, Ouais. ouais. Enfin, j'espère pas rape and revenge, Oui. du coup, ouais. Et peut-être les mondes de Ralph en soi. Ouais, genre dans Outlast, dans Alien Mais Isolation, c'est genre dans ça. des jeux d'horreur, Resident ouais, Evil, genre ouais. Resident Evil Within, Resident Evil. Ah, effectivement, très bien joué. Bah écoute, excellente question. Je t'en refais un? Vas-y. Ok. Quel est le meilleur film pour un premier date? Entre Saw 5, Human Centipede 3, Bone Tomahawk, Dream Home, The Sadness ou Fuck My Son? Je suis pas peu fier de ma question. Mais, premier date, Alors, tu pull up un film, tu mets quoi? on out tout de suite The Sadness, Fuck My Son. Oh, tu pourrais tous la outer, hein, donc il va falloir en choisir. Hein. Ouais. Mais je pense que. Je retire quand même The Human Centipede 3 parce que l'ambiance elle est bizarre après. Pour le... En vrai, il est drôle. Moi, je me. Ouais, mais faut vraiment que l'autre soit un peu dans le. Ouais. Ah, faut être réceptif quoi. Ouais, le plus passe-partout, ce serait Bone Tomahawk ou Saw 5 à la limite. Ouais. Mais. Bah, Saw 5, t'as moins l'argument de la popularité. Bah, c'est ça. Perso, je le dis, pour la blague de fou. Je pense, moi je mets The Sadness ou Bone Tomahawk. Mais en fait, faut connaître la personne. Mais The Sadness, tu sais que tu poses un step Et bien. si c'est un premier date, Ah, ok, tu ouais, connais ok. pas. Peut-être un deuxième The Sadness. Là, du coup, ouais, peut-être Bone Tomahawk pour moi, Bone Tomahawk. Parce que moi, c'est joli, tu Quel est ton rapport aux yeux par vois. hasard? Ouais, je sais pas. Ah, je sais vraiment pas. Ah, ouais, ça dépendra beaucoup de la personne aussi, forcément. Je pense que ouais, Bone Tomahawk est le plus passe-partout. Ouais, et encore dire de Bone Tomahawk qu'il est passe-partout, c'est dire pour les Ouais, autres. mais c'est ça qui est ta liste aussi, frérot. Vas-y, à toi. Ok. Quel pays a la pire production horrifique Oh putain. entre le Japon, Non. la France, Non. la Corée du Sud, Ok, je vois où tu vas. Merde, non. l'Espagne, Non. Hong Kong Oh putain. et l'Italie? Ok, alors. Redémarre en partant du bas. Italie, c'est mort. C'est trop fort. Ils ont. Argento. Italie, on garde. Il y a un monde où je dis la France. Hein. Donc, entre la France et Hong Kong. Hong Kong, non, Hong Kong, non, Hong Kong. Ils ont trop. Et même aujourd'hui, on pourrait dire que c'est plus fort. Enfin, c'est plus faible. Ils ont quand même Dream Home et trucs comme ça. Non, non, non. Ok, entre la France et la Corée du Sud? Donc, Corée du Sud, tous les jours, ils sont. Corée du Sud, ils ont trop. Ils ont au moins un excellent film par an. Genre, c'est pas donné à tout le monde, quand même. On parle juste en horreur, hein. Ouais, horreur. Entre la France et le Japon? Bon, au Japon, tous les jours. Voilà. Et entre la France et l'Espagne? C'est la France, hein. En fait, on a des films de fous. Déjà, on n'en a pas assez. Et surtout, on a quand même aussi vraiment des. En fait, le truc, c'est comme on a peu de production, bah, on voit plus les casseroles. C'est ça. Genre, on voit Bloody Mallory, quoi. C'est ça. Et il y a Même si aussi. c'est pas le pire. Il y a aussi le biais aussi, je pense, de quand un film s'exporte, il y a déjà un tri qui s'est fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, Alors que nous, on est vraiment dedans, quoi. ouais, ça, de ce qu'on en reçoit, même si j'aurais tant. En fait, surtout que les autres ont la quantité pour eux. Là où nous, on est vraiment en galère. Ouais. Ok, le D'où meilleur. l'intérêt du tri aussi. Exactement. Le meilleur film à montrer à sa famille pour Noël. entre Hérédité, Speak No Evil, l'original, Ebola Syndrome, Eraserhead, Mother de Aronofsky ou Possession? Le meilleur à montrer à la famille. Ouais, genre toute la famille, hein, la petite sœur, le grand frère, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout Alors, du coup, on va enlever ceux qui parlent de famille, donc on va enlever Hérédité. On le va enlever Speak No Evil. monde. Bon, ils sont plus, sauf Ebola Syndrome, ils ont tous plus ou moins un lien avec la famille. Donc c'est pour ça, Ouais, c'est ça. Parce que, ouais, Ebola Syndrome, non. T'as dit quoi d'autre? Eraserhead, Mother de Aronofsky et Possession. Le meilleur à montrer à la famille. Ouais, moi je pense que je mets. Je pense que je mets Mother, à la Moi je pense limite. que je mets Hérédité parce que je crois que c'est le plus simple en fait. Bah, en vrai, Hérédité, j'ai déjà montré à mes parents. Ouais, mais moi je pourrais pas. Donc ça va. Mais du coup, en fait, je pense que le pire de tout, c'est Speak No Evil ou Ebola Syndrome. Ouais. Ça, vraiment, c'est je peux pas les mettre. Ah Mais non, le Speak No Evil, je pense que ouais, moi je pense que ça se joue entre Hérédité, Possession, c'est trop dégueu. ouais. Donc, Bah non, parce que pour le coup, en fait, j'y réfléchis pas parce que Hérédité, je l'ai montré à ma Oui, famille, voilà, voilà. toi, t'as eu le POV. Donc, ouais, pour la nouveauté, disons, allons vers. Merde, j'avais dit lequel? Redis ce que t'avais dit? J'avais dit Ebola Syndrome, Eraserhead, Mother, Possession. Donc à Mother. côté des Je autres. pense que je vais aller vers Mother. Eh bah écoute, parfait. À toi? À moi. Quel film a eu les pires enfants? Oh putain. Entre Blair Witch et le fan footage des années 2000, Ouais. Scary Movie et les parodies, Ok. Hostel et le torture porn, Ouais. Massacre à la tronçonneuse 2003 avec la vague de remake US, Ok. de remake de film US, Ouais. ou The Ring et la vague de remake Asiat, enfin de film Bah, Asiat. je vais dire Scary Movie pour les parodies parce que vraiment Fritzberg et Setzer, c'est super dur quoi. Oui. Donc ça, pour le coup, pas trop dur. Même si le fan footage, il y a eu des gars dans un. Ah oui, il y a eu des. Ah oui, c'est sûr, mais tu préfères quoi, Big Movie ou Tchernobyl? Disaster movie Bah, surtout. Disaster, ouais, voilà. Ce truc-là. Ok, alors, facile. Quel est le meilleur film parmi. Alors, j'ai pris des réalisateurs différents et à chaque fois, j'ai pris parmi leurs meilleurs. Ok. Dead Silence, Sleepy Hollow, Phenomena, Lords of Salem, Sixième Sens, Mandy. Je vais aller par élimination. Redis-moi les deux premiers. Dead Silence, ça tu gardes, j'imagine. Dead Silence face à Sleepy Hollow. Face à Sleepy Hollow. Je vais garder Dead Silence. Phenomena. Je garde Dead Silence. Lords of Salem. Je garde Dead Silence. Sixième Sens. Ah Ah. putain, c'est dur. Moi. En fait, Sixième Sens, je l'ai vu qu'une fois. Mais quel film? Mais quel film? Mais je suis plus attaché à Dead Silence. Comme tu veux, hein, c'est toi qui choisis. La question, c'est lequel je garde ou lequel est le meilleur? Lequel tu juges le meilleur? Je juge que Sixième Sens est meilleur. Et Mandy? Je sais que toi tu. En fait, j'hésite à le Je mettre en sais que meilleur, tu mais me je sais pas si stan. je peux le mettre en meilleur, mais moi, c'est vraiment. Bah dans le lot, celui que je trouve être le meilleur, c'est Sixième Sens. Ok. Et ton préféré, Dead Silence? Mon préféré Dead Silence, ouais. Perso. Attends, je vais quand même. Je crois que mon préféré, ça se joue entre Mandy et Lords of Salem. Et sinon, je pense que je vais le donner à Phenomena, parce que j'adore ce Ok. film. Même si Dead Silence, c'est pas loin derrière. À toi. Quel film est le plus impossible à remaker? Wow! Ok. Inferno, Évidemment, il était fait sous cocaïne! Alien, Ouais. Possession. Ok. Ouais, Possession, le remake arrive, hein, donc. Parker Finn, le mec de Smile. Ok. Il est en charge dessus. Quaidan, Le Loup-Garou de Londres. Il a été fait à Paris. C'est une suite, Je donc bon. Ou Vidéodrome. pense que je vais dire Inferno. Parce que Inferno, en fait, on sait ce qu'on sait sur le film et on sait qu'il était défoncé quand il l'a fait, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'au vu des conditions de production, celui-là me semble le plus dur. Et sinon, par contre, le plus tendu à remaker, Alien. Parce que remaker Alien, Ouais. faut avoir les reins solides, hein. Et Possession, je pense que. Possession, le remake se fait, donc. Ouais, mais Possession, Tu pourrais le le. réactualiser, je pense. Oui, le réactualiser, oui, à la limite, oui. Parce que le refaire en soi, Par contre, le. il faut un auteur solide derrière, parce que Possession, l'original, est imprégné de tout ce qu'il faisait Zulawski à ce Bah, moment-là. et de son contexte aussi, le mur de Berlin, Bah, c'est ça. qui symbolise littéralement le Bah, couple. il est imprégné de l'instantané, Oui. donc il faudrait un auteur puissant derrière. Ok. Il t'en reste un, toi? Il me reste deux. Ok, bon, il m'en reste encore un. Quel est le meilleur film spécial 2025, et j'ai pris que des bons films, parmi Black Phone 2, Drop, Hurt Eyes, Clown de Cornfield, Megan 2, FNAF 2? Black Phone 2. Tu penses vraiment qu'il est meilleur que je sais pas. Toi, tu le mets au-dessus de tout le monde. Au-dessus de ce que t'as dit, oui. Ok. Et quel est le pire? Alors, attends, redis. Drop, du coup pas Black Widow. Drop, Hurt Eyes, Claude in a Cornfield, Megan 2, FNAF 2. Megan 2. Ah, quoi que FNAF 2. Moi j'avoue, FNAF 2, il est peut-être dans mes meilleurs. En tout cas, c'est vraiment dans mes préférés. Dans la liste, parce que la liste elle est horrible. Mais moi, la peluche Ouais. qui fait ça m'a eu. Oh, ah, vas-y. Ouais, non, Après, je... Clooney de Cornfield était vraiment horrible aussi. En fait, horrible, il était décevant surtout. Par Voilà, rapport. c'est juste qu'il avait été trop hypé, quoi. Bah, surtout par rapport au. Encore une fois, on parle quand même du réal de Tucker & Dale. Bah ouais, c'est ça. Mais en valeur absolue, pas par rapport à la filmo des réals, ouais, je dirais Mayan 2. Ok. Et vas-y, à toi. Et le dernier chacun. Quel réalisateur pourrait faire le meilleur slasher s'il essayait? Oh, vas-y. Entre Gaspar Noé, Ouais. Sam Raimi, Ouais. Ari Aster, Sam Raimi, je pense. Hein. Robert Eggers Sam Raimi. ou Bayona. Sam Raimi. Sam Raimi parce qu'il a un côté pulp. Il l'a prouvé avec Darkman. Là où tous les autres ont un côté beaucoup trop Ou même autorisant. Evil Dead 2, hein. Même Evil Dead 2, là où les autres ont un côté, je trouve, beaucoup trop autorisant, qui pourrait être intéressant, mais que je devine pas en eux la cruauté, la méchanceté que j'aime dans le slasher. Dans le slasher. Dans sa Typiquement. sœur. Bah voilà. Non mais typiquement Lars von Trier. El Famoso, mais lorsqu'il fait House that Jack Built, bah, le fait que ce soit quand même, on peut le dire à la base, un peu un connard, bah, ça se Oui. ressent dans le film. Et du coup, t'as vraiment une partie horrifique qui est d'une violence sans nom et qui je trouve, est hyper efficace. Et pour moi, il y a besoin de ça. Typiquement, Ari Aster, je ne vois pas faire ça. Là, peut-être Gaspard Noé éventuellement. Et encore. Mais il trouvera un moyen de faire en sorte que le couteau, en fait, c'est une allégorie du pénis de ton pote. Tu vois, tu fais, ah, bizarre, chef. Et toi, tu dis qui? Dans l'eau. Surtout Sam Raimi, hein. Sam Raimi en pleine forme, là on peut s'amuser. Ouais, Sam Raimi Prime, à voir. Ouais, bonne question. Bonne question, bonne question. Je pense qu'il y a un Ari Aster des grands jours pour y arriver. Ari Aster, ok. Mais ouais, un Ari Aster. Ouais, bah qui irait du coup vers le slasher un peu onirique, je sais pas. Ok. Il trouverait le moyen de mettre des vieux tout nus. Toujours, toujours. Toujours. Et ben, quel est le pire film parmi La Mouche, The Thing, Massacre à la tronçonneuse, Jaws, Evil Dead 2, L'Antre de la Folie? Ah, t'es dur. Bon, celui que j'aime le moins. J'étais sûr! Celui que j'aime le moins dans le lot. Donc, t'as dit La Mouche et The Thing au La début? Mouche, The Thing, Massacre à la tronçonneuse, Jaws, Evil Dead 2, L'Antre de la Folie. C'est super dur. C'est super dur. Alors, j'adore tous ces Ah films. oui, c'est pour ça que j'ai pris. Mais celui que j'aime le moins dans le lot. Je pense que moi ça doit être Jaws. Moi. Juste parce que j'aime trop les autres en fait. Moi, ce serait. La mouche. Ah ouais, c'est dur hein. Bah, c'est dur, évidemment que c'est dur. Mais moi, je pense que je dirais la mouche, ouais. Eh bah écoute, prenons sur la mouche du coup. Et bah donc j'ai fini sur mes questions. Est-ce qu'on se fait. Toi, t'as les indices? Ou pas? Bah Les. j'avoue que sur ça j'en avais pas de bon. J'en avais pas de bon. Mais Ok. vas-y, vas-y toi. J'en ai quelques-uns. Vas-y. C'est vrai que c'est toi qui me les fais à chaque fois pour Insta, donc. Voilà, Enfin, pour Insta, on retourne le TikTok. truc. Exactement. Alors. On va finir. J'en ai 5, du coup. Vas-y. Le premier indice à chaque fois, ce sera la décennie. Ok. Le premier. Si vous l'avez pas vu le principe, c'est comme sur nos vidéos sur Insta, on doit deviner au bout de le moins d'indices possible. C'est un film des années 2010. Et 2010, je vais tenter, bah, je frappe de loin, je vais dire Butcher 3. C'est pas ça. Le film a une final girl. Final Girls? Non. Le film est réalisé par deux personnes. Wedding Nightmare? Putain, bien Let's go! joué! Let's go! L'indice C'est d'après, le deux personnes que j'ai cramé direct. c'était on a parlé de ces personnes dans le Je te podcast. connais, je te connais! Après, c'était l'héroïne est un Nepo Baby et Ah oui, ça m'a c'est la nièce de ruiné, Hugo Weaving. Et enfin, l'héroïne est habillée en blanc. Ah oui, bah alors là. Voilà. Vas-y, t'en as combien des films à deviner comme ça? J'en ai 4 autres encore. Vas-y, let's go. Ok, année 2010, encore une fois. Vas-y. C'est un préquel. C'est un préquel. Oh, Massacre à la tronçonneuse de commencement? Non, c'est les 2000, ça. Oh merde. Ah, 2010. Ah bah du Ouais, coup, c'est 2010. Sinister 2, je sais pas. J'ai pas. Ok. C'est un premier film. Oh la vache. C'est un préquel et c'est un premier film? Ouais. Donc la suite est sortie après ou. Enfin, je sais Non, plus. non, non, non, c'est le premier film du réal, je veux dire. C'est le premier film de son réal. J'allais dire Sans un bruit jour 1, mais non, j'ai pas. Ok. Le réal joue dedans. Ok. Je suis en train de chercher. Là, comme ça, j'ai pas. C'est Continue. un film de fantôme. Film de fantôme, préquel, année 2010, le réal joue dedans. Ouais. C'est un film d'horreur? C'est un film d'horreur, oui. Il y a des fantômes. Oui, du coup. Ouais. Et Casper! le sixième film de la saga sort cette année. Je suis mauvais ou je suis mauvais? Le sixième film de la saga sort cette année, il y a des fantômes. C'est le troisième film Ah! de sa saga. Ok, c'est Insidious 3. Insidious 3, Insidious ouais. 3, Insidious 3. Ok, le premier film de Lee Whannell, du coup. Voilà. Qui s'est vite rattrapé derrière avec Upgrade. Et qui a. Il a fait Wolfman aussi. Bon, ça arrive, ça arrive. Oui, mais qui a fait Invisible Man aussi. Alors, qu'est-ce que c'était bien? Ensuite, film des années 80. Ok, bah, je sais pas, frappe de loin, vas-y, The Thing. Il y a une Final Girl. Alien? Alien? Non, non, bah, non, y a pas. Attends, c'est 70. 79, Non, non, ouais, du coup, ok. bah, je sais pas. Freddy 3? Il y a un meurtre super cool. Genre, on l'adore, ce meurtre. Bah, Freddy 3? Le pantin? Ça se passe à l'hôpital. Oh, Ça peut être Freddy 3 ouais, aussi. j'allais dire pour l'instant, c'est vachement Freddy 3, chef! Non, pour l'instant, j'ai que Freddy 3 en tête. Il y a une actrice oscarisée dans le film. Ouais, c'est notre début de carrière, ça, du coup. Peut-être. Peut-être? Là, là, comme ça, j'ai pas. C'est une suite. Oui, ça, je m'en doutais. J'imagine, c'est un slasher en plus, donc c'est sûr. Ça se passe à l'hosto. C'est dans Vendredi 13? C'est une Vendredi Non. 13? C'est pas un Freddy non plus. C'est pas un Freddy. Ok. Ça se passe à l'hosto. Quelle autre grosse saga il y a dans les années Halloween, 80? donc c'est Halloween. Halloween 2, C'est Halloween 2. donc c'est le jacuzzi dont tu parlais. Oui. Voilà, ok, Halloween 2, c'est bon, de Rick Rosenthal, Oui. qui a aussi réalisé le pire. Oui. Et donc voilà, donc la Final Girl, donc Jamie Lee Curtis qui a eu Oui, l'Oscar du meilleur second rôle féminin dans Everything Everywhere All At Once. c'est vrai qu'elle l'a eu. Mom, I just got an Oscar. Ouais. C'est vrai qu'elle l'a eu. Elle aurait pu l'avoir pour True Lies. Hein. Voilà. Trop là ce que j'ai vu en salle, hein, Ça devait être sympa c'est comme. magnifique. Ah, Le grain de la pellicule. bah, ça c'est magnifique. Peut-être un de mes Cameron préférés. Un des plus sous-estimés en tout cas. Ouais. C'est un film des années 90. Jacob's Ladder. L'acteur principal a joué dans une saga culte des années 2000. Y a pas un film d'horreur avec Hayden Christensen? Non, non. C'est que. Ah! Une saga culte d'horreur des années 2000. Ah putain, parce que j'allais chercher. J'allais dire Prison de Renier-Lynn. Parce qu'il y a Viggo Mortensen dedans, mais Ah oui, non, ça non. date des années 80 en plus, donc non, non, non. Des années 70, peut-être même prison. Prison, je crois que c'est 86, un truc comme Ah, ok, ça. 80. Oui, parce que ça, c'est des années 90, donc oui, 80, 80 et Je crois quelques. qu'il le fait juste après Freddy 3, Freddy 4. Prison? Pour moi, il le fait avant. Pour moi, il le fait au début, prison, hein. Début de sa carrière. Mais Freddy 4, c'est son deuxième film. Oh, bon, du coup, ouais, c'est ça. C'est son premier film Mais attends, US. donc quelqu'un d'une saga culte d'horreur des années 2000. Ouais. Il y a des morts-vivants dans le film. Le retour des morts-vivants? Non. C'est réalisé par le mec qui a fait Leprechaun 2. Oh putain. Ah oui, le fameux. Voilà. Tu as Dracula de Rob Zombie dans la bande son. La fiancée de Chucky. Non. Non, c'est Wing Dead Girl en plus de Rob Zombie. Ah putain, attends. Dracula. En plus, Dracula était bien utilisé quand même, hein. Et il y a un sexe symbole des années 90-2000 en petite tenue dans le film. La main qui tue? Let's Oui! go! Il y a Offsprings dans le film. Il y a Offsprings, ouais, c'est Jessica Alba. Oui. Attends, et du coup, quelle saga, quel acteur dans une C'est saga? l'acteur principal de Destination Finale 1. Ah oui, le blond là. Voilà, Ok. qui est le héros de la main qui tue. Ah oui, ça, c'est Jessica Alba, ça, c'est ça. Là, tu, c'est les émotions, c'est les émotions, c'est les émotions. Eh bah écoute, Et le dernier, là vas-y. c'est un film des années 2010. Films années 2010, je vais tenter, bah, je vais dire Midsommar. C'est réalisé par un mec qui s'est fait connaître l'année d'avant avec un fan footage. Ok, c'est un bon fan footage? Moi je l'aime bien, mais Genre, il est bien ou juste. il est correct, enfin il est cool, il est sympathique, disons. Il est pas excellent, mais il est sympathique. Dashcam? Non. Techniquement, Host, enfin bref. On a vu l'acteur principal chez Marvel. Mais ils sont tous chez Marvel! Attends, Ouais, là j'ai pas. C'est un film d'infecté. Un film d'infecté fait par un gars qui a fait. Infecté zombie. Fait par un gars qui a fait un fan footage. Ouais. Le film s'ouvre sur Black Widow de Iggy Azalea et Rita Ora. Waouh! Quel indice! Et à un moment, tu as un zombie qui chante de Britney Spears. C'est doit être Zombieland. Non, il a pas fait de fan footage, Ruben Fletcher. Je l'ai vu? Je crois que tu l'as vu, Est-ce que. oui. Un zombie qui chante du Britney. Ça, je m'en rappellerai quand même. Attends. Ah, oh, ok, Manuel de survie à l'apocalypse zombie. Ah Exactement. oui, c'est bon, je l'ai, c'est Donc Christopher Landon qui avait réalisé Paranormal Activity de Mark Twain. Mark Twain, ouais, avec Ouais. les sorcières et les fusils à pompe. Et donc l'acteur principal du film, Ty Sheridan, qui joue Cyclope Qui joue Cyclope et dans la qui. prélogie X-Men. Exactement, et qu'on a revu aussi dans, bah, dans Joe avec Nicolas Cage et également dans Ready Player One. Ready Player One, qui est peut-être son meilleur rôle à date. On a fini? On a fini. Eh bah écoutez, 2h30 d'épisode, bah quelle rentrée j'ai envie de dire. Bonne année encore. Bonne année encore, merci à vous, surveillez assidûment les réseaux, parce que quelque chose arrive, un indice. C'est pas le dernier épisode qu'on sortira en janvier. Voilà, et on pourra pas aller à l'avant-première de Minikel le 31 janvier. Pour un événement important. Bref, on vous laisse voir, ça va être trop bien. Déjà là, sur les prochains mois, on a bien 4-5 épisodes de prévu, avec notamment peut-être une salve mitraillette fin janvier, nous verrons. Bref, un immense merci à vous, bravo de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu, partagez et tout le bordel. Que vous avez aimé les jeux, Voilà les jeux, si si vous vous avez aimez. voulu les faire, si vous voulez vous en inspirer d'ailleurs, même pour Allez-y, allez-y, c'est pas sous licence. Bref, merci à vous, et puis bah, on se retrouve. On enregistre cet épisode le 17, il est très probable qu'on se retrouve donc dans une petite dizaine de jours.